Est-ce que vous m'entendez sur la caserne, ceux qui peuvent parler? Très bien. Oui. Oui, fort. Ah bah parfait, alors parfait, bienvenue à vous. C'est donc en direct, voilà, on me dit merci, ça y est, oui, on est revenu dans le direct. Je vais arrêter de vous assommer avec de la musique de Congoïde, comme dirait l'autre. Je vais d'abord commencer par informer les nouveaux, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire cet exercice. Donc, quand on est en live, vous êtes à la fois évidemment responsable de vos propos, mais moi aussi j'en suis responsable. Donc, veillez déjà à ce que vous allez dire et je ne tolérerai pas d'incident, surtout avec les nouveaux. Ça s'est déjà passé par le passé, c'est pour ça que je fais une mise en garde préventive avant de débuter. Voilà, sinon pour le reste, évidemment, vous êtes invités à vous exprimer. Les règles sont les suivantes, comme d'habitude, vous faites clignoter votre pseudo et moi je vous donne la parole, comme ça évite qu'on se coupe les uns les autres, quoi. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que. Moi, je vais commencer déjà par vous poser une question. Vous, vous en avez pensé quoi, justement, de cette affaire Mamadou, sans rentrer dans les considérations complotiste que j'ai évoqué simplement pour l'affaire elle-même. Qui est-ce qui veut répondre à ça en premier? Alors, je vais démuter au fur et à mesure, si vous pouvez m'aider les autres modos, les personnes mutées, pour qu'ils puissent faire clignoter leur pseudo. Parce qu'évidemment, si c'est muté, ils ne peuvent pas le faire clignoter. Voilà, si vous pouvez m'aider à les démuter. Voilà. Donc, je crois qu'il y a Petit Jean, j'ai vu quelque chose s'afficher. Eh ben, vas-y, Petit Jean, on va commencer avec toi. Vas-y. Bonsoir Topa, merci. Alors pour le coup, je dois être un des seuls à pas avoir vu la vidéo. Parce que je l'ai vu passer en boucle sur Facebook. Je suis assez hermétique à tous les phénomènes de mode. Donc ça, quand j'ai vu le truc arriver, j'ai dit bon ben voilà, je fais pas trop. Je vais attendre un petit peu. En revanche, ben, quand je travaillais, j'écoutais la radio et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de. Il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de trucs. Moi, là, pour faire court, le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est le côté réactionnaire à mort. Et puis toutes les dérives, les récupérations politiques, etc. C'est ce qui m'a le plus gêné quand j'ai regardé ça, quoi. Oui, Après, oui, l'affaire en elle-même, oui. voilà, quoi, c'est pas. La récupération politique, oui, elle est un peu odieuse, je trouve, à chaque fois, mais bon, là, on a atteint des sommets. Qui Tout ce est-ce qui en qui. découlait en fait, il y avait vraiment une espèce de, comment ça s'appelle? Tu sentais que c'était pas neutre, il y avait énormément de non-dits derrière, que ce soit à gauche, que ce soit, etc. Et en fait, ça transpirait ça et je trouvais ça particulièrement gênant en fait. D'accord. Qui est-ce qui voulait intervenir? Faites clignoter votre pseudo. Vas-y, citoyen Frenchy. Oui, donc la récupération politique, pas jolie. Avec la création d'un héros archétype du clandestin qui pour l'instant, on voit beaucoup de mauvais côtés. Ben là, on voit un rayon de soleil sur cet amalgame de gens, quoi. Oui. Tu trouves ça positif ou comment tu juges ça en fait? Ben, ça m'écœure. Alors, qui c'est qui veut intervenir aussi? Vas-y Val, après Tony. Bonsoir tout le monde. Moi aussi je suis écœurée, complètement écœurée, parce que jamais on parle de tous les gens qui sont agressés quotidiennement dans la rue, sur leur lieu de travail, pendant des attentats. On n'a pas vu Macron recevoir les familles des deux jeunes femmes qui se sont fait tuer gare Saint-Charles. On n'a pas vu Macron recevoir la femme du monsieur qui a été dont on a coupé la tête et qu'on a mis sur la grille de son usine en Isère l'année dernière. Je suis parfaitement écœurée de voir ça. Alors même si c'est pas instrumentalisé, c'est-à-dire que ça n'a pas été scénarisé, le problème n'est pas là. Ce jeune homme est sans doute quelqu'un de très bien. Il y en a partout, dans tous les pays du monde. Des gens très bien, il y en a beaucoup en France aussi. Mais cette façon de passer ce geste pour une opération marketing, alors que notre pays est en danger, m'écœure profondément. C'est absolument ignoble de prendre les gens pour les cons à ce point-là. Jamais on fait des grands titres sur la multitude d'agressions que subissent les citoyens français. Jamais ça fait la une des journaux, jamais ça fait la une des médias, notamment de la télé. Donc, à un moment donné, c'est un deux poids deux mesures que moi, je ne peux plus supporter. D'accord. Qui est-ce qui voulait intervenir? C'était Tony, je crois. Oui, exactement. Alors, salut à tous. Alors, moi, j'en pense pas à grand-chose de plus que tout le monde, à part qu'une fois de plus, le timing est parfait. En fait, moi, je vais juste faire une petite rectification par rapport à ce qui est dit dans le live. Il y a bien eu un témoignage de la mère. Hein. La mère a été appelée au téléphone. Elle remerciait assez rapidement Mamoudou, mais voilà. C'était juste pour dire ça. Il y a bien eu un témoignage de la mère. D'accord, il y a eu un témoignage de la mère. Il est passé à la... Tu l'as entendu, toi, ce témoignage? Rapidement, ouais. Je sais plus sur quelle chaîne, mais oui, ils l'ont appelé pendant qu'elle était à la réunion. Et je ne sais plus grand chose, comme je disais. Mais je me souviens, bon, qu'elle avait un ton un peu blasé. Elle avait l'air un peu évasif, mais j'invite les gens à les voir par eux-mêmes. Voilà. Ok, d'accord. Qui est-ce qui veut intervenir? Soraya. Pardon. Oui, excusez-moi. Oui, alors moi, au niveau de la récupération politique, moi, j'y vois deux aspects, en fait. C'est-à-dire que du côté du gauchisme, entre guillemets, ça permet de justifier l'immigration complètement. Je pense que ça, tout le monde l'a vu. Mais du côté du droitisme, entre guillemets, ça permet aussi d'attiser la haine. C'est-à-dire que, au-delà du rejet de l'immigration, ça vient attiser la haine raciale et donc, quelque part, ça vient justifier aussi le combat antiraciste. Pour moi, il y a vraiment deux faces d'une médaille, quoi. Intéressant, effectivement, puisque l'un se nourrit de l'autre, finalement. Voilà, c'est ça. Intéressant. Qui c'est qui voulait intervenir encore? Flaming? Oui, moi, je voulais juste surligner le fait que Florian, il me semble que c'est son nom, dans plusieurs articles de journaux, on l'avait surnommé Mehdi, aussi, juste pour rejoindre le côté de Frenchy, donc c'est l'archétype des immigrés qui sauvent, etc. Mais bon, je ne veux pas m'étayer plus dessus, mais voilà, c'était juste pour préciser. Ah oui, t'as raison, c'est une petite précision, mais je l'ai vu ce truc-là, ouais, effectivement, il n'était pas sur de Florian tout au départ. Ce qui est un peu étrange. Effectivement. Alors, c'est qui voulait intervenir? J'entends. C'est School qui nous a fait profiter de ses enfants. Allez-y, faites clignoter le micro pour intervenir. Alors, Sabahoulé. Juste pour ajouter, même si je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, la dérive un peu médiatique. Les... On va manger ça, là. D'accord. D'accord, attends, on va le couper. Mutez-le, s'il vous plaît. Le seul petit truc qui m'a dérangé, c'est certaines réactions sur Internet. Un peu ce que Soraya a dit, un peu des réactions racistes qui font que tout de suite, ça donne une sale image des gens qui sont contre l'immigration, comme si tout de suite c'était raciste. J'ai trouvé ça dommage que certains aient eu cette réaction. Bon, c'était juste ça à ajouter, quoi. Parce que je différencie bien le fait de cet homme qui sauve un enfant et de tout ce que ça a produit derrière. Maintenant, complot, pas complot, là, pour le moment, je suis pas décidée, j'ai pas assez d'infos, on pourra en parler après, hein, mais pour le coup, moi, je suis loin d'être sûre que ce soit un complot. C'est bizarre, mais je parlerai pas encore de complot. Ok. Qui c'est qui veut enchaîner? Moi je veux bien te voir, salut et salut tout le monde. Vas-y à l'assaut. Sur un peu la même ligne, pour prolonger ce que vient de dire Sabahoulé, avec quoi je suis très d'accord, mais aussi entièrement d'accord avec les précédents membres de la CAF qui parlent de récupération médiatique odieuse, notamment Val quand tu as fait la parole. Il faut bien, à mon sens, vraiment distinguer l'effet objectif, en gardant toute son légitimité de cet acte qu'on peut véritablement qualifier d'acte de bravoure, c'est un acte courageux de ce jeune homme qui a grimpé pour sauver la vie de cet enfant, et distinguer ce fait-là en lui-même, vu de toute la récupération médiatique, de toute la manipulation médiatique qui vient derrière, parce qu'on sait très bien, et comme tu l'as dit très justement dans la première partie, que ça va nous être martelé en fait constamment, si à la moindre critique en fait du problème beaucoup plus large en fait de l'immigration, on a un souci avec ton micro. Attends, je te baisse. Et toi aussi, chez toi, je crois qu'il est trop fort. Ah, ça sature. Je me tarte un peu, peut-être, si ça fonctionne un peu mieux. N'hésite pas à m'arrêter si c'est toujours la même chose. Voilà. Ça a l'air mieux. Déjà, okay. Je vais baisser chez moi aussi. Vas-y. Merci, ça a l'air mieux. J'ai baissé aussi. Je vais essayer de faire court. Je vais essayer de faire très court. En gros, voilà, vraiment juste distinguer le fait objectivement de cet acte de bravoure avec toute la récupération qu'il y a derrière, qui a été ultra rapide. Je veux dire, les médias, aussi bien les médias que les politiques au pouvoir se sont jetés sur ce fait divers. On a tout de suite vu, et c'est allé même aux plus hautes sphères de l'État, quoi. C'est Macron qui l'a carrément accueilli à l'Élysée, etc., etc. Donc, il a eu droit à tous les honneurs, etc. Et évidemment, c'est un montage politique. Par contre, et c'est là vraiment où je veux marquer un point, c'est que de là à se rabaisser, pour rester dans le domaine des balcons et des étages, de descendre autant d'étages finalement en parlant de complot, etc., sur cette affaire, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de... c'est une posture vraiment que je trouve qui est très loin de la noblesse en fait, d'apprécier ce fait comme une bonne nouvelle, à savoir un gamin qui a été sauvé d'une mort possible. Et donc voilà, se lancer dans des analyses complotistes sur ça, juste pour finalement lutter en fait contre ce qu'on sait que va être la manipulation médiatique autour de cette affaire, pour moi ça dénote un manque d'intégrité. Je suis pas du tout d'accord avec cette façon d'approcher et d'apprécier ce fait là je préfère même le dénoncer le fait d'analyser ce truc comme étant un complot ou quoi que ce soit. Je suis plutôt pour dénoncer entièrement et là à 100% la récupération médiatique, comme ce que tu as dit, pas la carte Joker Mamoudou qu'on va nous sortir à chaque fois qu'il y aura une critique des problèmes d'immigration, de masse, etc., etc. Là, on est d'accord, mais sur le fait en lui-même, je veux dire, on peut que tirer notre chapeau à ce jeune homme. Et puis s'il y a bien parmi tous ces migrants des personnes éventuellement qui nous dérangeraient moins de voir se faire remettre éventuellement la naturalisation ou la nationalité, c'est quand même plus des gens qui sont capables de faire ce type d'acte, de secourisme ou autre, que d'autres personnes qui seraient mises en cause dans des délits, des crimes, etc., comme aujourd'hui ça peut être le cas. Donc moi je préfère être objectif sur ce fait. Voilà. Ok. Alors, qui c'est qui veut prendre la parole? Faites clignoter. Vas-y, Grand Duc. Alors moi, ce serait juste pour revenir sur ce qu'a dit Alasso. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi il y a cette mise en avant soudaine alors que tous les jours, il y a des gens qui sauvent des vies et tout le monde s'en fout parce qu'on les montre pas et qu'on n'en parle pas. Donc pourquoi là spécialement? Et moi, ça me fait un peu penser, alors peut-être que pour certains, ça va être un peu opposé, mais ça me fait un peu penser à l'affaire Théo, dans le sens où l'affaire Théo, c'était de montrer les violences policières sur un cas en particulier, alors que des violences, on en a tous les jours. Je ne comprends pas comment on arrive à spécifier des gens précis. Écoute, c'est intéressant, parce que je me suis déjà fait cette réflexion-là. Donc, tu fais le lien avec l'affaire Théo. Et moi, je vais même remonter encore plus loin avec Ziad Ebouna à l'époque, en 2005. D'ailleurs, fait divers qui avait mené à un mois consécutif d'émeutes en France, complètement délirant comme situation. Et effectivement, la question est, pourquoi, à un moment donné, les médias s'accaparent un fait divers, le mettre comme ça, je veux dire, au devant de la scène, en faisant tous les gros titres d'une façon presque obscène, pour provoquer une réaction qui, de toute façon, est déjà préméditée par rapport à ce qu'on vous présente. C'est-à-dire, dans le cas de l'affaire Théo, effectivement, des flics mauvais, salauds de flics, qui s'acharnent sur les gentils banlieusards. Dans le cas de cette affaire-là, bah, on pourra dire, bah, voyez, le migrant n'est pas quelqu'un qui agresse, qui viole les filles ou qui cherche à vous emmerder. Au contraire, c'est une chance positive. Il vient sauver les bébés, il se dévoue, il est sacrifice. Il est christique, hein, il est prêt à se sacrifier pour votre peuple. C'est un peu comme ça que le message doit être compris. Et je m'étonne à chaque fois, effectivement, de comment et sur quels critères les médias vont décider de choisir et mettre à la une tel ou tel fait divers, dans la mesure où ils sont communs. Je veux dire, l'affaire Théo, on peut en ressortir un tous les jours. L'affaire Ziadebouna, c'est pareil. C'est-à-dire que si on veut sortir un fait divers de l'actualité, le mettre à la une, il s'est passé telle chose dans une banlieue, il y en a tous les jours. Donc ça, c'est extraordinaire. Oui, on va en parler après de Tommy Robinson, j'en parlerai. Mais on va finir déjà sur l'affaire de Mamadou. Qui est-ce qui veut encore intervenir là-dessus? Wanasdra, et après Fleming. Moi, je trouve que c'est quand même une belle récupération politique pour Macron, cette affaire-là. Sachant que c'est un noir. Et pour aller encore plus loin que toi, t'es pas. L'affaire Ziadebouna, oui, bon, d'accord, c'est deux noirs qui ont voulu échapper à la méchante police répressive, pas très gentille, juste pour un contrôle d'identité, soi-disant en passant. Mais je trouve qu'il y a une grosse récupération politique aussi. De la part de la République en marche et surtout du président Macron. Ah bah le président là, un peu comme Hollande d'ailleurs, avait tenté de récupérer l'affaire Théo ou je sais pas ce qu'il a voulu faire en allant à son chevet, Macron a eu aussi une réaction incroyable parce que je comprends pas moi par exemple pourquoi on lui octroie la nationalité française. À la limite, je comprendrais, on lui donne un titre de séjour. On lui dise, bon, bah, d'accord, pour le coup, vas-y, t'es un mec bien, vas-y, on peut bien te filer une carte de séjour. Mais pourquoi lui donner la nationalité? C'est fort, quand même, non? Non, mais je crois que c'est pas ce qui a été retenu, c'est qu'on lui donnait un titre de séjour avec la possibilité de demander la naturalisation, en fait. Ah, d'accord, ok. Et je crois la possibilité, une formation de 10 mois où pour intégrer les pompiers. Formation les pompiers, voilà. Ouais, mais je crois qu'ils ne l'ont pas naturalisé. Hein. Je crois qu'ils lui ont donné un titre de séjour en vue de pouvoir demander sa naturalisation. D'accord. Bon, parce que je n'ai pas été vérifié, mais j'ai vu tous les titres passer. Mamadou naturalisé, naturalisation. Bon, je ne suis pas allé voir exactement si c'était ça, mais j'étais quand même assez choqué. Quoi. Alors, Sabahoulé, après Val. Je voulais juste revenir sur le fait que bah, ça a été tout de suite repris par les médias et je comprends que certains trouvent ça pas normal parce que, comme on dit, des personnes qui sauvent d'autres personnes, ça arrive quasiment tous les jours. Mais je pense qu'il faut prendre en compte les réseaux sociaux qui, à mon avis, ça a dû beaucoup jouer parce qu'avant d'arriver dans les médias, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Et parfois, même à notre avantage, dans ce cas-là, non, mais je pense par exemple quand il y a eu les prières de rue et que c'était les appels au meurtre, ça a mis du temps à arriver dans les journaux, mais c'est parce que ça tournait beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je serais un peu plus nuancée sur ça. Ok, c'était Val après, et après Jessica. Vas-y, Val. Ouais, alors c'est du pain béni pour beaucoup de choses, hein, pour beaucoup de gens en France. C'est là qu'on se rend compte, en fait, un petit peu des vraies raisons, un petit peu de ceux qui font de la politique. Hein. Parce qu'on a quand même vu cette chère Marine Le Pen favorable à la naturalisation de ce monsieur. Donc, enfin, moi, je j'hallucine, quoi. Enfin, y a des trucs, c'est complètement délirant. Comment on peut demander la nationalité française? Enfin, c'est quelque chose qui est totalement banalisé. Avoir la nationalité française, c'est pas un simple bout de papier, bon sang de bonsoir. On fait tout pour que les gens ne connaissent plus leur histoire, on fait tout pour que les gens banalisent le fait d'être français. C'est une chose, non, c'est pas une chose tout à fait anodine d'être français. Il y a des gens qui sont battus pour avoir la nationalité française. Il y a des gens dont la famille a perdu la vie pour qu'ils soient français. Je veux dire, c'est complètement délirant. Et on voit une Marine Le Pen qui arrive. Oh, ce jeune homme a fait un acte héroïque, il le mérite. C'est complètement fou, quoi. Je veux dire, même les partis pseudo-nationalistes, on peut dire que c'est pseudo-nationaliste maintenant, le Front National, hein, ce parti qui se dit pour les Français, banalise complètement la naturalisation de quelqu'un. C'est complètement délirant. Je veux dire, on est. C'est bien parce que quelque part, on voit le vrai jeu des cartes, là. Les gens montrent leur jeu et on se rend compte un petit peu de ce qui se passe. D'accord. Il y avait qui alors Wanasdra, Jessica et après Wanasdra. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Sabaoulé et la grande différence, je trouve, entre justement les buzz qui viennent de nous et les buzz qui sont directement politiquement repris, c'est le temps. Justement, c'est que là, l'histoire Mamadou, c'est dans la journée que c'était dans les médias. Et la preuve, c'est tellement dans la journée qu'ils ont réussi à faire des reportages totalement aberrants en interviewant le lendemain les gens et en réfléchissant pas à ce qu'ils disaient dans l'interview, tout ça. Et à la différence de trucs quand c'est repris par nous et que ça tourne et que c'est viral et que c'est viral, au bout d'un moment, ils sont bien obligés de crever l'abcès, mais ça prend beaucoup plus de temps encore à franchir les barrières des médias, je trouve. Et c'est ce deux poids, deux mesures entre ce qu'ils récupèrent eux et qui, du coup, manipulent immédiatement et ce que nous, on aimerait faire passer par les réseaux sociaux et qui met beaucoup plus de temps et qui a besoin de beaucoup plus d'ampleur pour être pris en compte par les médias. D'accord. Vas-y, c'était attends, c'était Wanasdra et après non, Flamine. C'était pour rebondir ce que avait dit Val par rapport à Marine Le Pen qui acceptait que Mamadou soit naturalisé. Elle a totalement démenti ce propos, cette fois que c'était un faux. C'était un faux grossier, ce tweet. Oui, il faut se méfier. Maintenant, il y a des faux tweets aussi. Alors, qui c'est qui voulait intervenir? C'était Flaming, je crois. Flaming, après Takassan. Effectivement. Non, je vais te rejoindre, sur la surmédiatisation d'affaires. Moi, je pense qu'au contraire, si l'affaire a été médiatisée, c'est pas parce que c'est un jeu politique. Je pense plus que ça a été surmédiatisé parce que c'est filmé sur un téléphone, ça a été relayé partout sur les réseaux sociaux. Enfin, le truc s'est passé en direct et puis c'est pas banal un mec qui grimpe 4 étages en sautant comme ça. Donc surmédiatisation, effectivement, il y en a une grosse, mais je pense que les politiques comme Jessica se sont appropriées. L'affaire, mais je pense que là-bas, si ça a été surmédiatisé, c'est surtout parce que ça s'est fait tourner sur les téléphones, etc., sur les réseaux sociaux, et forcément, ça a pris une ampleur telle que les médias étaient obligés de réagir. Ouais, je comprends bien. Qui c'est qui voulait intervenir aussi, après? Faites clignoter. Takassan, voilà. Ouais, Val, je vais juste revenir sur ce que tu dis rapidement par rapport à Marine Le Pen et le Front National. C'est peut-être leur faire un procès un peu sévère, je trouve, parce que est-ce que vraiment ils auraient pu avoir une autre réaction médiatique et est-ce que vraiment ils auraient pu, ça aurait pu être le seul parti politique, Marine Le Pen est la seule personnalité politique en tout cas qui se serait inscrit comme une fausse note, mais avoir un espèce de concert de louanges. Dirigé vers ce manien, je suis pas sûr. Ils font aussi un calcul et bon, ma foi, je la trouve plutôt Marine Le Pen quand elle s'est exprimée là-dessus, je l'ai trouvée plutôt modérée, si tu veux. Elle a dit que c'était pas c'était pas dingue de lui donner la nationalité française. Je sais pas si elle aurait pu dire autre chose. Tout le monde lui serait tombé dessus si elle avait dit autre chose. Mais c'est son rôle de dire autre chose. Je suis pas sûr. Je sais pas si elle aurait pu. Mon avis, elle aurait perdu beaucoup de points, tu vois. Et la liberté d'expression, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord, hein, normalement. Ouais, mais les chefs de parti, si tu veux, elle fait un calcul. Elle fait un calcul bénéfice-risque. Oui, c'est un peu ça. Elle ne croit pas en ce qu'elle dit. Bah, peut-être clair. Qu'elle y croit, Val, en fait. Peut-être qu'elle y croit. Peut-être qu'elle y croit aussi, oui. Donc, elle n'est pas digne de son parti, pour le coup. Ouais. Alors, salut à tous. Pardon. Vous m'entendez, là? Oui, on t'entend. Ah bah, on a profité. Ouais. Vas-y, pardon, c'était pour tout à l'heure. J'avais un petit problème de micro. Pour rebondir sur ce que disait Val aussi, je confirme... Ils veulent qu'on accepte le fait que pour être naturalisé, pour devenir français, maintenant, à l'heure actuelle, c'est super facile, quoi. Il n'y a pas besoin de parler français. C'est le fait que ce soit super, super facile, quoi. Voilà. Et je pense que ce travail-là, il est là-dessus aussi, quoi. Pour qu'on accepte ça aussi, quoi. Que maintenant, pratiquement n'importe qui puisse devenir français, quoi. Bah, c'est un peu ça. Quelqu'un commet un acte héroïque. Bon, il devient français. Je sais pas. C'est bientôt, je sais pas, le mec il va remporter le 100 mètres, ah bah on va lui donner des papiers, etc. Je trouve que c'est un peu, oui, effectivement, on balance les papiers facilement, ça n'a plus de sens, quoi. Qui c'est qui veut prendre Soraya? Alors, moi, ce que j'ai trouvé assez saisissant dans les réactions suite à cette histoire, c'est un discours qui est notamment porté à travers un article du Monde, je sais pas si vous l'avez vu, qui nous explique qu'en fait, cette histoire, c'est une occasion de cacher en fait la misère des migrants qui meurent dans la Méditerranée, et que finalement c'est une hypocrisie absolue, et que voilà, en fait c'est une récupération médiatique pour faire oublier la tragédie des migrants. Donc voilà, c'est vraiment un renversement total, tu vois. Donc encore une occasion de dire que la France est méchante et qu'elle en fait pas assez, quoi. J'ai trouvé ça mais délirant, quoi. Bah, c'est fantastique en fait quand tu penses ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'en fait cette histoire, chacun y prend par son mou. Les complotistes, c'est un fake, c'est monté. Les droitistes, c'est un putain de sale, sale nègre qui a sauvé un enfant et qui devait pas être là. Les gauchistes disent, ah bah c'est super, vous voyez, les migrants sont des gens très bien. Les horribles racistes, les fachos qui veulent pas les accueillir, en fait, ils veulent tuer les bébés, etc. Finalement, tout le monde y trouve son compte. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ben, pour les tenants de l'antiracisme, de toute façon, il n'y en aura jamais assez, en fait. Tant qu'on ne rentre pas complètement sur le sol en s'excusant, en se flagellant, etc., il n'y en aura jamais assez. Je voulais juste revenir sur ce sur quoi échangeaient Jess et Sabaoulé, sur le temps de réaction des médias par rapport à cette histoire, comparé au temps de réaction à d'autres histoires qui sont montées sur les réseaux sociaux. Ben, tout simplement, c'est qu'en fait, ils font partie du même camp. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus prompts à réagir à ce genre de fait-là, quand ça, en gros, ça arrange leur récit, quoi, leur narrative, comme on dirait aux États-Unis. Donc tant que ça rentre bien dans leur case, évidemment, ils vont sauter dessus. Après, pour la question que tout à l'heure tu posais, te pas sur comment se fait-il que les certains faits divers d'un précis qui à un certain moment donné soit monté en épingle comme ça, mais c'est la pure stratégie. Je veux dire, on découvre rien. C'est juste une question de timing. C'est comme tu le dis, ça aurait pu être n'importe quel autre fait divers quotidien. Et c'est certainement une question de timing, mais donc c'est une question de stratégie. Sur un tout autre plan, là, récemment, il y a cette histoire du journaliste russe en Ukraine, où finalement on apprend qu'il n'est pas mort, etc. Mais après, on peut remonter un siècle en arrière même, en fait. C'est une longue tradition, en fait, des tenants des grands médias mainstream d'utiliser ces genres de faits. On parlait à un moment même de journalisme jaune. Aujourd'hui, on pourrait dire journalisme putaclic. Enfin, je sais pas, mais en gros, c'est vraiment sur des faits, les rendre sensationnels, extraordinaires, etc. Alors qu'ils n'ont rien de, finalement de si exceptionnel que ça au regard de ce qui se passe tous les jours. Donc, c'est pas une pure stratégie. Et après, je voulais aussi dire sur Marine Le Pen. Et sa réaction, bah, elle se comprend. Enfin, faut quand même comprendre. Je dirais pas que c'est trahir forcément ses convictions que de réagir comme ça. C'est un calcul politique plutôt logique. Et puis une dernière chose, c'est que en même temps où je regardais les réactions sur l'histoire de Mamoudou là, Gassama, il y a une petite histoire aussi qui est passée rapidement dans les médias, et pareil sur ce que je disais sur le fait qu'il n'y en aura jamais assez pour les antiracistes, c'est Gérard Collomb qui a parlé de des migrants qui faisaient du benchmarking des pays où ils souhaitaient migrer, en fait, ce qui est une réalité, en fait, les migrants, avant de se pointer dans un pays, je pense qu'ils ont étudié la question, savoir où sont les meilleures conditions, les meilleures aides, certainement, médicales, sociales, etc., financières, mais voilà. Et il y a eu ça, et pareil, il y a eu quand même un tollé de la sphère antiraciste par rapport à ça, mais c'est marrant que ça a été goupillé au même moment, au moment où il y a eu cette affaire, comme si, pour la faire passer un petit peu sous le tapis, Gérard Collomb, il a lâché ce truc-là, parce que ça passerait peut-être mieux dans ce climat-là, tu vois, où ils ont donné quelque chose à manger. Enfin bref, tout ça, c'est toujours des calculs politiques et de la stratégie, quoi. Faut voir comme ça. D'accord, qui c'est qui va enchaîner Sabaoulé et Takassan, je crois. Sabaoulé, vas-y. Oui, juste pour revenir là sur ce que tu disais, Topa, en fait, où un peu cette situation, ça plaît à personne, ne serait-ce que sur la possibilité de naturalisation de Mamoudou. Il y a ceux qui sont anti-migrants qui vont dire que on peut avoir la nationalité trop facilement, et puis les pro-migrants qui vont dire que non, ça convient pas parce que pour Macron, c'est une exception due à une situation exceptionnelle. Et je trouve que ça montre bien, malheureusement, la situation de notre pays et des grosses divergences qu'il peut y avoir au sein du peuple français, quoi. C'est assez attristant, quand même. Ouais. Takassan, je crois, après, c'était. Ouais. Sur cette histoire de benchmarking et tout, je l'ai vu à l'assaut, moi aussi, ça m'a fait bien rire. Ça a même fait sortir François Hollande de sa naphtaline, qui a aussi un peu, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a un peu. Qui s'inscrit en faux en disant que ce que disait justement Gérard Collomb sur les migrants qui font de la comparaison entre les pays pour les aides sociales. Il disait que c'était pas tolérable comme parole et que ça lui semblait exagéré. Et du coup, ça m'a bien fait rire qu'il ressorte comme ça d'outre-tombe pour taper sur Gérard Collomb. C'est marrant, effectivement. Vas-y, Soraya. Oui, alors concernant la naturalisation, je voulais quand même relever que c'est pas la première fois, puisque en fait, quand il y a eu l'attentat à l'Hypercacher, vous savez, il y avait un Malien là qui avait aidé les gens à sortir, etc., qui avait sauvé des gens. Et pareil, il avait été naturalisé par François Hollande, en fait. Et ça revient vraiment à ce que disait Val tout à l'heure, c'est que finalement, la nationalité française, elle devient vraiment un peu comme un produit, un peu comme une simple médaille, en fait. Ça devient limite une monnaie d'échange, quoi. T'es sympa, t'as fait un truc bien, on te donne la nationalité française, sans aucune considération... de savoir si t'as la culture française, si tu parles français, si, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça devient vraiment une espèce juste de gratification, quoi. Oui, c'est marrant, oui, d'ailleurs, oui, c'est ça. Ouais, et même, il me semble justement qu'au Mali, le président lui a, je sais pas si vous avez vu, mais lui a demandé d'intégrer l'armée. Tout à fait, je l'ai évoqué. Oui, oui, non, tout à fait. Il est passé de... en première partie. Voilà, il est passé de sans papier à j'ai trop de papier, tu vois, c'est le truc rigolo du truc. Bah, comme disait Henri de Lesquin, cessons de piller les richesses de l'Afrique. Rendons Mamoudou au Mali, qu'il puisse servir chez lui. D'accord. Mais c'est vrai, bon, de Lesquin, il a le sens de la formule. Qui c'est qui veut encore intervenir? Et puis sinon, je peux changer de sujet. Est-ce que... il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose encore? Vous faites clignoter votre... Sur ce dernier point, apparemment, je trouverais qu'il n'y aurait vraiment pas plus beau comme symbole que Mamoudou qui intégrerait, oui, enfin, qui retournerait au Mali, en fait. Ce serait un bénéfice assez fort pour le Mali et pour l'Afrique en général. En fait, tout le monde il serait gagnant, quoi. Ça serait vraiment un beau message, en fait. Si Mamoudou rentrait au Mali, et sérieusement, hein, pour y intégrer, non mais franchement, mais pour y intégrer l'armée ou quoi que ce soit, Tout le monde serait content, quoi. Bah, honnêtement, je sais pas, ce serait un geste digne, assez voilà, ça ferait de lui un double héros, quoi, quelque part. Mais le problème, c'est qu'on lui a proposé d'intégrer les pompiers de Paris, et à mon avis, le salaire d'un pompier de Paris, ce doit être le salaire d'un colonel malien, quoi, sans vouloir insulter le Mali, quoi. Non, mais... Ouais, moyen. Le bizutage en moins. En plus. Accessoirement. Enfin, en plus. Alors, je voulais aborder un autre sujet. Celui-là, c'est Tommy Robinson. Donc, Tommy Robinson, ex-membre, parce qu'il a quitté l'English Defence League à l'époque, donc, est un activiste britannique qui se bat depuis des années contre l'islamisation de la Grande-Bretagne. Qui, vous le savez très bien, en Grande-Bretagne, a pris une dimension qui est largement supérieure à la nôtre sur certains aspects, en particulier le fait que, par le système communautariste britannique, qui est vraiment le fondement de leur société, ils ont accepté le principe communautaire. Donc les communautés, là-bas, c'est un système de société. Les communautés ont des droits. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils vivent ensemble. Au contraire, ils sont tous séparés. Quand vous allez en Angleterre, ceux qui ont déjà été en Angleterre savent très bien, c'est un peu comme à l'américaine, vous avez le quartier jamaïcain, les pakistanais, je sais pas quoi, les afghans, les trucs, enfin tout le monde est séparé. Et la situation est telle aujourd'hui en Grande-Bretagne que Londres est affectueusement surnommé Londonistan, avec le maire de Londres, qui a été élu récemment, qui est d'origine pakistanaise lui aussi, et musulman, Sadiq Khan. Donc l'ambiance est plutôt à l'islamisation profonde. Vous trouvez là-bas des charia police, vous trouvez des tribunaux islamiques reconnus par les Britanniques, c'est-à-dire que pour tous les actes civils des musulmans, ils ne passent même pas devant un tribunal civil britannique, mais devant des tribunaux islamiques, dans lesquels, évidemment, par exemple, ne serait-ce que pour les femmes qui veulent divorcer, bah, c'est très problématique parce que la justice islamique n'est pas du tout en leur faveur. Et donc, c'est pour expliquer un peu le contexte, là-bas, il y a des groupes donc qui combattent cette politique cosmopolite depuis longtemps. Ils se heurtent à une violence d'État aussi, qui est peut-être plus dure qu'en France, ou en tout cas équivalent, mais plus dure, parce que là-bas, ils n'hésitent pas à envoyer les gens en prison. Tommy Robinson avait déjà été en prison une première fois. Il avait échappé à la mort, en plus, dans ses prisons, un peu comme j'ai une pensée pour Paul Goldwyn et Jedha Frayson du groupe Britain First, qui eux aussi ont été incarcérés pour les mêmes raisons. Vous pouvez voir Paul Goldwyn, quand il se balade à Londres, ils sont dans un ancien Land Rover de l'armée britannique et ils mettent un gilet pare-balles. Tommy Robinson, lui aussi, même dans ses déplacements en Europe, devait être protégé avec un pare-balles et des gardes du corps, car réellement sa vie était en danger. Parce que en France, en Europe, et c'est une réalité. Ça, encore, je m'adresse, encore une fois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui écoutent mes émissions, hein, et qui vont venir hurler sur la vidéo ensuite pour me dire « Mais te parlez pas comme ça, etc. » Mais je suis désolé, Tommy Robinson, à la fin, il se balade avec un gilet pare-balles et de la sécurité, parce que sa vie est en danger, parce qu'il a critiqué l'islamisation de son pays. Ça, c'est le contexte. Et donc, Tommy a été arrêté, très injustement, pour avoir prétendument fait une interview dans le tribunal alors qu'il avait pris soin de le faire à côté puisqu'on l'avait déjà menacé de le condamner pour ça. Et pourtant, ça n'a pas empêché la police et la justice britannique donc de l'enfermer, de mettre sa vie en danger, puisque quand on va l'enfermer dans une prison où la majorité des détenus sont musulmans, vont le reconnaître et connaissent son passé et vont chercher à le zigouiller. Voilà, tout simplement. Donc en plus, c'est l'État fait exécuter les basses besognes, donc par sa racaille, c'est la logique, je suis jusqu'au bout. En tout cas, je tiens d'ailleurs à rappeler qu'il y aura une manifestation de soutien qui est organisée par le Ciel, si je ne m'abuse, oui, voilà, donc de Kamalouchik et de Renaud Camus, et je vais vous dire, ça va se dérouler, je vais aller chercher, parce que je vais aller chercher. Voilà. Attendez. Ok. Hop, hop. Ouais, c'est l'émission. Ah voilà, j'ai retrouvé parce que. Voilà. voilà, je vous mets à l'image le rassemblement de soutien à Tommy Robinson. Donc, c'est lundi 4 juin. Voilà, je vais vous mettre tout de suite à l'image. Voilà, vous l'avez. Donc, ce sera un rassemblement de soutien donc, à Tommy Robinson qui est organisé par Renaud Camus. Donc, vous savez, le papa de l'expression grand remplacement, avec Karim Ouchik, donc le lundi 4 juin à 18h30, avenue du Winston Churchill à Paris 8e, devant la statue de Winston Churchill au jardin du Petit Palais. Donc voilà, vous avez le... Je fais passer le message parce que je pense que c'est important aussi... Si on peut soutenir ce monsieur. Bon, moi, je pourrais pas être là-bas ce temps-là parce que j'ai eu des missions une heure après et que il faudrait que, évidemment, c'est très très loin de chez moi. Mais, en tout cas, tout mon soutien à cette initiative pour ce monsieur, Tommy Robinson, qui, pour moi, est un combattant qui se bat pour ses idées et qui ne mérite pas d'aller en prison parce que il n'exprime tout simplement ses idées. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qui c'est qui veut réagir sur cette question? Allez, on commence. Tony, Val et Wanazra. Allez, et School aussi, je crois. J'ai l'impression que ça s'affichait. Ouais. Alors, Tony, forcément, Val, ça Wanazra. Nous ça nous permet de rebondir un petit peu par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure sur l'impact réseaux sociaux, communication. Alors, finalement, ce qui se passe avec Tommy Robinson, ça va peut-être nuancer un petit peu ce propos, parce que Tommy Robinson, il y a eu jusqu'à des réactions de grandes figures politiques. Je pense à l'actuel chef du UKIP, dont j'ai oublié le nom, mais aussi Geert Wilders, le chef du Parti des Libertés, ou plus simplement la grande figure d'extrême droite des Pays-Bas, malgré quand même une assez vive réaction, alors certes, je le concède quasi exclusivement de ce qu'on pourrait appeler le camp patriote, national, peu importe, moi, je, à ce jour, hein, et puis je me suis peut-être trompé, mais je ne vois pratiquement rien dans les grands médias sur cette affaire, tout simplement. Donc, comme je dis, c'était, je pense que ça nuance un peu l'idée qu'il suffirait de faire assez de bruit pour que les médias soient en quelque sorte obligés de communiquer. Je pense qu'ils ont quand même un pouvoir pour entre guillemets, bah, alors, j'exagère peut-être un petit peu, mais presque étouffer le truc. Voilà, voilà. Ok. Alors, c'était qui? Wanazdra, School, et puis je sais plus, il y avait qui? Faites au fur et à mesure, voilà. Wanazdra, School. Allez, Wanazdra. Alors, pour moi, Tommy Robinson, c'est quand même un héros du patriotisme britannique, au même point que Sébastien Jamalion, notre héros national français, qui avait osé dénoncer quelque chose par rapport au gouvernement précédent, qui était, je crois que c'était sous Hollande. Et pour moi, c'était pour moi, c'est lui rendre hommage. Et je dois annoncer aussi qu'il y a aussi une manifestation à Bordeaux faite par la meute de Badaf 1. Il y a une manifestation à Bordeaux aussi pour, en oui. Soutien à Tommy Robinson. D'accord. Oui, tout parfait. À fait. Ok. Alors, c'était School, je crois. Après, Eval. Alors, School, bah, désolé, je passe devant toi. Ouais, en fait, c'est pour faire le lien en même temps avec Mamoudou. Mamoudou, il a caché la forêt de Robinson, en fait. C'est ça que je vois, moi. Voilà pourquoi on a fait tant de remous auprès de Mamoudou. Pendant ce temps-là, ce qui se passe avec Robinson, on n'a pas regardé l'autre côté de la Manche. Et ça vient peut-être de là aussi, le gros remous avec Mamoudou. Donc, c'est vraiment l'homme qui tombe à pic pour cacher la forêt, en fait. Oui, d'autant plus, c'est vrai qu'on me rappelle... L'affaire sur laquelle il interviewait des gens, c'était la fameuse affaire des réseaux pakistanais qui détournaient des mineurs, des jeunes filles, et pour lesquelles l'État, les autorités se sont tues pendant des années pour ne pas être accusés de racisme. Voilà. Donc ça, voilà, le gros problème, c'est la pédophilie. C'est pas l'islam. Et on n'a pas. Il faut surtout pas qu'on regarde de ce côté-là. Donc on a bien fait monter l'affaire de Mamoudou aussi, je pense. Peut-être que je me trompe. Hein. Ah oui, mais est-ce qu'on veut pas regarder, sinon pas parler de l'affaire? Que le Tommy Robinson évoque, et Britain First aussi, depuis des années, moi je regarde leur vidéo depuis des années, je connais cette affaire, aujourd'hui, elle, Dieu merci, elle expose au grand jour, mais ça fait des années que ces gens-là se battent pour que cette affaire sorte, et que c'est une énorme affaire, hein, énorme, donc qui implique la police, la mairie, etc., les autorités, qui se sont tues, pour ne pas être accusé de racisme. Là, on est vraiment dans le orwellien au plus haut point. Allez, vas-y, Val. Et tout ce qu'on va traiter sur sur Robinson, ne serait que son problème de l'islam. On va jamais parler de son, le fait qu'il s'attaque aussi aux pédophiles. On va surtout axer au fait qu'il soit un raciste parce qu'il veut pas d'islam chez lui. Oui, d'autant plus que on nous dit ça et puis il te montre pas ce qui se passe en Angleterre, parce que pour qui connaît un peu la situation, entre les charia police, les tribunaux islamiques, le fait qu'à Londres, c'est une ville quasiment musulmane bientôt à 100%, et que c'est le cas de certaines villes en Angleterre qui sont déjà à 100% islamiques, on ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas en Angleterre si on n'a pas vu ça. Alors vas-y, Val d'abord, après Vitriol. Val. Eh ben, moi, je dirais que, comme dans beaucoup de domaines, les pays anglo-saxons sont très en avance sur nous, et notamment dans l'antiracisme. C'est quelque chose qui, là-bas, peut être comparable à ce qu'il y a chez nous sur le révisionnisme. On ne touche pas aux communautés sous prétexte de simplement dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est hors de question. Il y a des gens qui sont morts en prison pour avoir simplement ou dit des choses, ou comme ce jeune homme anglais qui avait mis deux tranches de bacon devant une mosquée, qui a pris 12 mois ferme et qui n'en a même pas fait 5. Il a été tué et violemment tué en prison. Il se trouve que les gens dont tu parles, Britain First, notamment son président, M. Golding, avait fait la relation entre la pédophilie et ces fameux gangs islamiques, pakistanais islamiques, donc qui avaient violé, torturé des centaines et des centaines de jeunes filles anglaises depuis des années, couvertes par les autorités et les services sociaux. Cette personne, ce monsieur Golding, a été condamné donc à 9 mois de prison, pour simplement l'avoir dit, et a été lynché en prison, véritablement lynché. Il s'en est pris plein la figure, c'est qu'à le dire. Ça n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, c'est au bout de quelques semaines à peine, et avec l'assentiment des médias, puisque au moment où cette affaire a explosé et que ce monsieur a été condamné, sa photo a bien été mise en évidence partout dans les médias pour qu'on sache bien de qui on parlait. Donc c'est absolument intolérable. Il y a une connivence entre les politiques et les médias en Angleterre absolument incroyable. En même temps, on n'a pas de leçon à leur donner, parce qu'en France, c'est tout à fait la même chose. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'islam en Angleterre a pris une telle part dans la société anglaise, non seulement les gens n'ont plus l'idée ou même l'envie de parler, parce qu'ils se prennent de la prison, donc potentiellement une peine de mort, et surtout que cette pseudo-société multiculturelle qu'on nous vend en long, en large, en travers en France, ben ça ne marche pas. En Angleterre, ça ne marche pas. Ils sont bien en avance sur nous sur ce problème-là. Et on se rend compte qu'en fait, les gens ne vivent pas du tout ensemble. Et ça, pour qui veut bien réfléchir 2 minutes, on en a la preuve partout dans le monde. Je veux dire, même quand les Français s'expatrient dans tel ou tel pays, on trouve des quartiers français, les gens restent entre eux. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, culturellement, de vouloir se rapprocher des gens avec qui on a le plus d'affinité. Donc ça n'existe pas, une société multiculturelle. Et on nous la vend comme si c'était le paradis. Ce qui va se passer, c'est que la France va être partitionnée, que les communautés vont vivre exactement comme en Angleterre entre elles, et que ben, ceux qui ne seront pas d'accord, on les mettra en tôle. Et comme par hasard, en Angleterre, il y a 45% de musulmans en prison, et ces gens-là, ben, si on les met face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux ou qui ose les critiquer, qu'est-ce qui se passe? Il se fait lyncher ou il se fait tuer. En France, c'est bien plus grave, puisque nous avons, il n'y a pas de statistiques ethniques comme en Angleterre, mais on peut estimer, la plupart des gens qui s'occupent de ces questions-là estiment qu'il y a 50 à 70% de musulmans dans les prisons. Je vous laisse imaginer le résultat que ça donne. Alors, vas-y, c'était Vitriol et après Takassad. Vas-y, Vitriol. Ouais, salut Topaz, salut tout le monde. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la situation à Londres et ce que disait Val à l'instant là, c'est que non seulement ça ne fonctionne pas, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que ce qui est en train de se dérouler à Londres actuellement, c'est que les autorités, en fait, ont cessé d'intervenir dans certains quartiers, d'où l'apparition d'une forme de police locale, donc forcément avec les couleurs locales, hein, donc la police de la charia. Autant vous dire que ça ne fonctionne pas du tout. J'ai lu un article, il y a de ça, ça devait être fin avril, on était à 47 meurtres à Londres. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a eu plus de meurtres à Londres qu'à New York. Alors qu'il y a quand même beaucoup plus d'habitants à New York. Depuis 1800. Depuis entre le 1er janvier 2018 et la fin avril, il y a eu 47 meurtres à Londres. Donc essentiellement dans ces quartiers-là. Et donc effectivement, je crois que j'ai vu, c'était 40% d'augmentation des homicides en 3 ans, donc depuis 2015. Ça nous indique clairement vers quoi on va, parce qu'effectivement, ils sont en avance sur nous sur ce point-là. Donc, notamment pour les gens qui sont dans les grandes villes, comme Paris, Lyon, Marseille, je vous invite à penser à foutre le camp, en fait. Parce qu'on va tout droit vers le même type de scénario, sachant que ça risque d'être même pire chez nous que ce qui se passe là-bas. Ouais, tout à fait. C'est qui voulait prendre la parole après à Vitriol? C'était Takasan, je crois. Ouais. Oui, pour revenir sur le traitement de l'affaire Robinson en France, j'aimerais souligner à quel point c'est devenu compliqué d'être journaliste de nos jours, parce que c'est quand même faire un numéro, faut avoir des notions d'équilibriste assez incroyables, puisque moi, j'ai lu des articles où la cause des procès, où on décrivait, je pense à un article de Libération notamment, où on décrivait avec beaucoup de pudeur l'arrestation de Tommy Robinson, et où le mot pédophilie et les mots pakistanais n'étaient pas prononcés une seule fois, n'étaient jamais écrits, et où tout ce qu'on disait factuellement, c'était Tommy Robinson a été arrêté parce qu'il était pour... Alors je ne sais plus quel est le terme exact, c'est entrave au bon déroulement du procès. Et jamais on a expliqué, les journalistes, je pense à un article de Libération, ont quand même réussi l'exploit de jamais mentionner pourquoi Tommy Robinson était là. Et j'ai trouvé ça dingue comme exercice. Intéressant. C'est vrai que le traitement de cette information, elle est vue toujours que sous le prisme d'un dangereux islamophobe, mais on n'explique absolument jamais le contexte. Mais tu vois, Et tu vois, le truc, c'est que c'est même pas une fake news quand tu lis l'article de Libération. Ok, Tommy, c'est un fait, tu vois. Le fait, Tommy Robinson a été arrêté. Et le truc, c'est ce qui est important là-dedans, c'est la no-news, tu vois. C'est qu'on ne dise pas pourquoi Tommy Robinson était là. J'ai trouvé ça fascinant. Parce que l'article est vrai, c'est juste que il dit pas tout. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Qui c'est qui va intervenir? Faites clignoter votre pseudo pour avoir la parole. Personne? Je ne vois personne. Ouais, j'entends juste un truc sur le fait que l'Angleterre était en avance par rapport à nous, mais en fin de compte, on rattrape quand même assez vite ce retard. Comme par exemple dernièrement, où alors je saurais pas vous dire exactement où ça s'est produit, mais je suis certain que vous êtes tombé sur cette information, où il y a un migrant en plus qui a agressé, je crois, une policière. Alors je sais pas si c'était à Calais ou je sais pas dans quel coin de la France, mais qui a été en fait relâché au motif que on trouvait pas d'interprète, je crois, on trouvait pas de traducteur. C'est ça, à Calais. Voilà. À Calais, je te confirme. D'accord. Et en fait, ça m'a rappelé une affaire qui est très similaire à celle pour laquelle Tommy Robinson se mobilisait, qui était une affaire également en Grande-Bretagne de pédophilie également, ou alors c'était ce qu'on peut appeler un professeur de théologie islamique qui donnait des cours particuliers à des enfants, donc quelqu'un qui a priori les musulmans voient sur le plan moral comme quelqu'un de très pieux, qui défend l'éthique, etc. Et qui, lors de séances de cours particuliers, de cours de théologie, quoi, auprès d'enfants, de mineurs, vraiment très jeunes, hein, dont une petite fille, je crois, de 11 ans, et je vais vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment le type de crime le plus odieux possible, mais en tout cas voilà, qui s'est donné à des choses un peu de l'ordre de la pédophilie. Et c'est très cru, hein. Enfin, je partagerai peut-être l'article pour que vous vous rendiez compte. Ça date de il y a quelques années. Et alors, ce qu'il y a de plus fou dans cette histoire, c'est qu'il avait été requis contre lui une peine de quelques années de prison, je crois. Mais en fait, il a été relaxé parce que c'était la même raison qui a été avancée. Il parlait pas, enfin, lui et sa femme, je crois, parlaient pas suffisamment bien anglais, en fait. Et c'est une histoire vraie, hein. Enfin, je vous partageais le lien. Voilà, ça me rappelait ce qui s'est passé avec c'est un Éthiopien ou un Somalien à Calais, voilà, qui a agressé une policière et qu'on a relâché parce que on trouvait pas de traducteur et donc on pouvait pas lui rappeler ses droits, lui faire comprendre quels étaient ses droits et donc il fallait le relâcher. Quand bien même il aurait agressé. Donc, en fait, on y arrive assez rapidement, en fait, ce genre de choses. Ouais, vas-y, Mitriol, après Val. Vas-y. Ouais, je voulais juste ajouter une précision sur ce que disait Alasso. Oui, c'est tout à fait vrai. Je crois que c'est dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale. En fait, une personne qui ne parle pas le français a le droit à l'assistance d'un interprète tout au long de la procédure. Et si il n'y a pas l'assistance d'un interprète, en fait, toute la procédure tombe à l'eau. Donc il ne peut pas y avoir de poursuite. Ah bah moi, je vais embaucher un Népalais pour assassiner. Je suis certain que les mecs... Ou alors, je prends un mec, un Indien Navajo, tu vois, un truc... Non, mais c'est extraordinaire, je trouve. Ouais, c'est particulier. Vas-y, Val, tu voulais intervenir. Vas-y, Val. Ouais, je voulais... Bon, déjà, je voulais préciser que Tony Robinson a été jugé en moins de 2 heures. C'est quand même assez incroyable. Donc là, on peut pas dire qu'il n'y a pas connivence avec la justice anglaise. C'est totalement... Ils étaient prêts, quoi, hein, clairement. Et puis, pour faire le lien avec ton précédent sujet, pour illustrer à quel point la France se communautarise, c'est donc notre cher Mamadou, Spider Mamadou, qui a fait l'objet d'une vidéo de la Ligue de défense noire africaine, hein, ceux qui ont fait virer le porte-parole de Génération Identitaire de son travail, pour info. Donc ils l'ont interviewé, lui et son frère, qui est en France visiblement depuis un certain temps, et donc ils l'ont fait parler, ils l'ont fait expliquer comment il avait réagi, pourquoi. Ils ont bien insisté sur le fait que, je cite, « Nous les Noirs, nous sommes toujours prêts à aider notre prochain », donc une récupération communautaire flagrante. Voilà, dans la droite ligne de l'évolution vers laquelle va notre civilisation. Donc on est de plus en plus amené à se communautariser. Quand un membre de la communauté qui n'est pas dominante fait quelque chose entre guillemets de bien, c'est immédiatement récupéré. Et dans les médias, on voit des femmes du type Rokhala Diallo. Je me rappelle même plus les prénoms parce que sincèrement j'ai beaucoup de mal avec ces gens-là qui vont nous expliquer si la culture blanche disparaît c'est pas grave finalement c'est pas un problème va falloir s'habituer voilà donc moi je suis hallucinée. C'est d'autant plus facile que comme je disais je n'arrête pas de le marteler. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas leur civilisation, ne connaissent pas leur histoire, ne sont pas fiers d'eux-mêmes, ne sont pas fiers de leur patrie, ne sont pas fiers de ce qu'a fait leur pays. Moi, je les encourage systématiquement, bon sang, à lire votre histoire, à savoir qui sont vos ancêtres, ce qu'ils ont fait, qui ils sont, quelles sont leurs prouesses, quels sont leurs génies, quel est leur génie. Le génie français a été reconnu dans le monde entier. Et maintenant, on nous dit, va falloir accepter plein de communautés. Et puis, ces communautés, elles vont prendre le pas sur vous parce que vous ne valez rien. La nationalité française ne vaut rien. C'est pas grave. Après tout, vous êtes que des racistes. Et puis, on s'en fout. On est là, on est bien, on ne bougera pas. Voilà. Donc, c'était pour faire le lien avec ton sujet d'avant. Parce que c'est quand même relativement flagrant. Tout à fait. Vas-y, Vitriol. Ah non, pardon, c'était une erreur. Ah, ah, c'est une erreur, d'accord. Quelqu'un veut intervenir? Alors, c'était Flaming et Grand-Duc, je crois. Bah, Grand-Duc d'abord et Flaming après. Oui, alors, c'était juste pour rebondir sur ce qu'a dit l'intervenant d'avant. Comment dire, en fait, je pense qu'on... Je suis persuadé qu'on insiste à ce que l'Europe, en fait, se fait repentance de son passé colonialiste. Dans le sens où les deux plus grands pays colonisateurs, donc la France et l'Angleterre, sont l'un des plus grands pays européens qui font venir de l'immigration, notamment d'Afrique. Donc je pense qu'en fait, il y a des tendances qui s'inversent, c'est-à-dire que, autant dans le passé, au niveau du 19e siècle, la France et l'Angleterre ont gagné militairement, mais sur le plan des idées, notamment sur le plan, on va dire, mondial, enfin, on va dire de la mondialité de l'individu, les populations africaines ont gagné, enfin, sont en train de gagner au XXIe siècle. Intéressant. Vas-y, Fleming. Non, moi, je voulais juste appuyer quelque chose par rapport à Londonistan. C'est que Londonistan, les Pakistanais, enfin, l'immigration venant, venant pour Londres, à la base, ils sont sunnites, qui est la branche la plus, on va dire, radicale de l'islam. Nous, par exemple, c'est le Maghreb, c'est le wahhabisme, en particulier, qui a un islam plutôt moderne. C'est juste pour dire, voilà, donc, s'il y a une police de charia, etc., c'est surtout parce que il y a beaucoup de radicalisés, surtout en Angleterre. Oui, enfin, moi je ne le vois pas comme ça. Je suis désolé, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, s'il y a beaucoup de, comme tu dis, radicalisés en Angleterre et qu'on en est à ce stade-là, justement, charia police, c'est parce qu'on leur laisse les concessions. Finalement, en France, si tu proposes aux musulmans de faire des tribunaux islamiques, je pense qu'ils seront d'accord. Je pense que le phénomène charia police n'est pas encore apparu en France, mais je dis bien pas encore. Mais le jour où ça apparaîtra, ça ne m'étonnera pas, c'est sûr. Puisqu'il est apparu d'ailleurs en Allemagne, et ça a été traité par les tribunaux allemands comme étant des conseils. Donc finalement, les gars ont le droit de faire ça. C'est-à-dire, en fait, t'es dans la rue avec ta bière, on va venir te voir, attention mon frère, il faut pas que tu boives, parce que blablabla. Bon, c'est là, je te fais la version soft, hein, parce que ça peut être bien plus agressif et coercitif. Et là-dessus, les tribunaux allemands n'ont trouvé qu'à dire... c'est un conseil, finalement, ils ont le droit de le faire, et ça les dérange pas. Donc, moi, je serais pas étonné que ces phénomènes-là arrivent en France, au fur et à mesure, mais je pense pas que ce soit dû particulièrement à la radicalité des personnes là-bas, mais plutôt à l'espace sur lequel on les laisse prospérer. C'est-à-dire, plus tu laisses d'espace, et comme les Anglais sont des vrais férus de la liberté d'expression, bien plus que nous, en face, ils laissent effectivement... les musulmans s'exprimer, donc en Angleterre, à la télévision, t'as du Anjem Choudhary, quoi. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de quelqu'un qui viendrait dire, je veux la charia pour la France, j'aimerais bien que toutes les Françaises soient voilées, etc., etc. Donc c'est un discours qu'on, nous, on n'est pas du tout habitué encore à entendre ici. Pas encore. Je dis bien pas encore. Juste pour appuyer aussi un peu de tes propos, parce que, je faisais une précision, mais je tiens aussi à appuyer que, en Angleterre, c'est les 40 000 personnes, enfin plus de 40 000 pour le coup des musulmans, qui ont acheté des livres sur comment faire des attentats, etc. Enfin, c'est d'ailleurs des news qui ont été sorties par Tommy Robinson lui-même, où il avançait que plus de 40 000 bouquins de radicalisation vraiment extrémistes violents avaient été achetés à Londres, et que les personnes qui avaient acheté ça étaient simplement surveillées. Pour vous faire un petit comparatif, c'est comme s'il y avait 40 000 fichiers S à Londres. Oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est très inquiétant qu'on... Alors, Wanasdra, Tony Sabaoulé. Allez, Wanasdra, Tony Sabaoulé. Alors, pour moi, je voulais revenir à peu près sur, un peu sur les propos que Gaël a dit par rapport à la disparition de l'homme blanc et de sa culture. C'était une journaliste, je crois que c'était Apolline de Malherbe, qui avait dit à Gilbert Collard, c'était pas Gilbert Collard, c'était Jean-Marie Le Pen, en quoi ça vous dérange que vous disparaissez. C'est quand même assez hallucinant d'entendre ça de la part d'une journaliste. Bon, en même temps, elle fait partie de BFM TV, ça ne m'étonne pas. Hein. Ah oui, tu parles de Apolline de Malherbe. Voilà, c'est ça. Je vois la séquence dont tu parles. Alors, j'avais dit Wanasdra, Tony et Sabahoulé. Bah, Tony. Alors, moi, je vais juste rebondir sur la petite parenthèse Chariapolis et compagnie. Alors, en France, aussi loin que je le sache, on n'a pas ça. J'ose espérer qu'on ne l'aura pas. Mais il y a des semblants. Alors, déjà, il y a la pression sociale, tout simplement. On en parle souvent, hein, les nénettes qui, une fois arrivées chez elles dans la cité, elles remettent le voile alors que au lycée, elles se mettent en loup-boutin et tout genre de conneries. Et souvent, et notamment en période de Ramadan, j'ai des copains qui me racontaient, alors ils donnaient ça un nom assez rigolo, ils appelaient ça la brigade des Djellaba. En gros, c'est les frères qui traînent dans la cité, et puis bah, s'ils te voient, je sais pas, moi en train de traîner, de fumer du shit ou je sais pas quoi, qui va te dire « Ah, mon frère, hein, c'est pas bien », ou ils me disaient aussi qu'ils faisaient la patrouille pour, entre guillemets, intercepter ceux qui n'allaient pas à la mosquée. On va dire une petite dizaine de minutes avant le début du prêche, bah, ils tournaient, et puis ceux qui n'étaient pas apprêtés, qui n'allaient pas... Ils allaient chercher, ah bah mon frère, pourquoi t'y es pas, nanana. Bah c'est de la charia police ton truc. Bah on peut, ouais, c'est ce que je dis. Franchement, c'est, que pas, ils c'est ont exactement pas le nom, ça. Ils ont pas le nom, mais dans les faits, c'est vrai qu'il y a de ça, oui. Ah bah complètement. Franchement, c'est de la charia police. Donc les mecs, ils vont chercher les mecs pour aller à la mosquée, ils vont te faire chier. Par contre, est-ce qu'ils vont voir les dealers pour les évacuer des halls d'immeubles? Ça m'étonnerait pas, quand même. Alors ça non, ça c'est sûr que non. Mais alors attention, donne pas une mauvaise interprétation, aussi loin que je sache, on m'a jamais raconté qu'ils allaient te traîner par le cul à la mosquée. Hein. Mais que voilà, ils te font savoir que ah, c'est dommage, enfin que c'est pas bien hein, pour te dire, mais comme je dis, c'est le début en tout cas. On me dit que ça existe aussi au Muro sur le chat. Alors c'était Sabahoulé et après Vitriol. Vas-y Sabahoulé. Oui, je voulais revenir. Alors, je sais plus qui a parlé de ça, du fait que en Angleterre, c'était la situation était plus grave que chez nous. Bah, te paladis, c'est pas vraiment parce qu'ils ont un islam différent ou que sais-je, c'est qu'on leur laisse plus de droits pour islamiser le pays. Seulement, moi, j'ai l'impression que avec le dernier discours de Macron, que c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Quand Macron dit que c'est pas un mal blanc de s'occuper des banlieues, qu'il doit laisser ça aux mamas comme il l'a dit, enfin, lors de ce discours, moi j'ai eu l'impression qu'il faisait une forme de sécession et qu'il donnait une forme d'indépendance aux banlieues pour s'organiser comme ils veulent et pas selon les règles de la République, comme ils disent parfois les politiques. Et d'ailleurs, j'ai entendu récemment que oui, il y a des formes de charia police, alors c'est pas organisé, donc on peut pas vraiment parler de milice. Mais il y en a qui, oui, vérifient si les gens achètent halal à la sortie des magasins, qui ne mangent pas, ne fument pas la journée lors du Ramadan, et ça existe. Il n'y a pas de réelle organisation qui font ça, mais il y a des personnes, quelques personnes qui le font. Donc ça risque d'arriver de plus en plus chez nous. Oui, ça, moi, je pense que c'est un risque réel. En tout cas, les charia police. L'exemple qu'a donné Tony, pour moi, c'est ça. Il ne porte peut-être pas le nom, mais c'est exactement pareil. Donc, c'est un peu sur le principe, il n'y a aucune différence. Absolument aucune. Oui, je voulais dire qu'il n'y avait pas de réelle organisation, mais ils sont oui, pas oui, là. J'ai compris. J'ai compris, Sabahoulé. J'ai compris. J'ai compris ce que tu dis parfaitement. Non, mais ce qu'a dit Tony me fait vraiment penser à ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne. On me dit qu'au Muro aussi, il y a la même. Ça se trouve, dans d'autres villes de France, il y en a. Ce serait pas étonnant. Alors je crois que c'était Vitriol, tu voulais parler. Vas-y. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux trafiquants de drogue, parce que pour l'avoir déjà vu moi-même, je pense notamment à Sevran Bodot dans le 93. Le trafic est organisé par les frères là-bas. Donc c'est quand même ce que j'ai vu, c'était quand même très bien organisé. Hein. Et ils tiennent la cité. Tiens. Il voit pas de contradiction. Bon. Absolument pas. Ils en bénéficient et ça leur apporte beaucoup d'argent. Et ça finance derrière ce qu'on peut imaginer. Et la deuxième chose que je voulais préciser, je ne sais pas si ça a été dit par rapport aux victimes du gang de pédophiles que dénonçait Tommy Robinson, qu'elles étaient bien évidemment essentiellement anglaises et sikhes, donc hindoues, donc pas du tout musulmanes. Oui, c'est important de le préciser. Et beaucoup de blanches aussi. Absolument. Et c'est d'ailleurs aussi le cas aux Pays-Bas. J'ai vu un article récemment sur le phénomène de ce qu'ils appellent les loverboys. Bon, en fait, il y a tout un réseau aussi d'immigrés musulmans qui font de la prostitution sur... Alors, je crois que c'était... Il y avait 1400 jeunes filles victimes, donc beaucoup de mineurs, exclusivement des néerlandaises. Qui ont été mises au tapin en fait par ces réseaux-là. D'accord. Encore un autre scandale, quoi. Tout à fait. Qui c'est qui voulait rebondir ? Faites clignoter votre pseudo. Pas de clignotage, pas de clignotant. Bon, j'enchaîne alors. Ah, si, Cam, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, rapidement, c'était pour dire pourquoi tant de migrants ? Et la raison, à mon avis, moi, je pense que c'est le profit. Donc, on casse les États-nations, hein, on nous a vendu l'euro, et on n'est plus souverain. Donc, je pense que pour sauver la France, ce serait au niveau politique, retrouver notre souveraineté pardon, et casser tout cet horrible business là, de pauvres migrants qui arrivent, qui débarquent, hein, et puis après il faut que ça soit accepté, quoi, parce que c'est vrai que les gens, à l'heure actuelle, tu leur dis on arrête l'euro, non, surtout pas, c'est dangereux, on va perdre, je voulais juste dire que tout ça peut se régler au niveau politique. Après, de là à ce que ça soit accepté par les gens, c'est notre affaire. Ouais. En tout cas, en France, il y a véritablement, en tout cas, une islamisation galopante. Et voilà, c'est pas forcément un sujet dont les médias s'emparent, en tout cas, sous un angle. Justement de cette invasion entre guillemets, mais plutôt sous à chaque fois le racisme, la tolérance, il faut accepter, et compagnie, quoi. C'est toujours cet angle-là et absolument pas l'angle, ne serait-ce qu'un questionnement un peu civilisationnel du changement qu'on est en train de vivre quand même sous nos yeux et qui est pas rien dans toute l'Europe occidentale, quoi. Et tous ceux qui osent se lever sont considérés comme des fous, des dangereux, des machins. Alors que finalement, ce sont juste des gens qui veulent la continuité de ce qui a existé, quoi. Et ça me paraît quand même légitime et cohérent. Alors, c'est Petit Jean, je crois que j'ai vu s'afficher, ou Sabaoulé ? Sabaoulé, je crois. Sabaoulé, vas-y. Oui, je voulais juste faire remarquer que... Enfin, moi, j'ai l'impression que dans les médias, ils avouent quand même de plus en plus que oui, pendant des années, quand certains critiquaient l'immigration, comme Zemmour, on leur disait qu'ils racontaient n'importe quoi, que l'immigration n'était loin d'être énorme, que c'était peu et qu'ils exagéraient. Aujourd'hui, ils avouent quand même de plus en plus que cette immigration est importante. Et moi, j'ai noté ce point quand même que ils avouent que oui, c'est un chamboulement. Et que ça va être de pire en pire. Extraordinaire, ouais. Qui c'est qui veut rebondir sur ça ? Sur cette idée de l'islamisation galopante, ou qui pourrait donner un exemple chez vous ? Ou peut-être justement un contre-exemple ? Ce serait intéressant aussi. Vas-y, Petit Jean. Alors, pour le coup, ce serait peut-être un contre-exemple. Je suis tombé tout à fait par hasard sur une vidéo tout à l'heure d'un youtubeur, je crois qu'il est québécois, qui s'appelle I Kill You, et de son prénom Nabil, qui a fait une remarque par rapport à ses abonnés, et par rapport au fait que quand il faisait des vidéos pendant le ramadan, etc., il prenait cher dans les commentaires. Et j'invite plus les gens, à la limite, à aller regarder, notamment un autre qui a fait une réponse par rapport à ça. Et pour le coup, je sais pas, certains pourraient appeler ça de l'islam modéré ou pas, mais en tout cas, je trouvais son discours plutôt intelligent en montrant du doigt, en disant « mais vous n'avez pas à juger les gens, vous n'avez pas à juger les actes, etc. » En parlant justement de ces pseudo... comment on appelle ça, police de la charia, y compris sur Internet, y compris sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et je trouvais, pour le coup, je trouvais que c'était plutôt un contre-exemple, parce qu'il semblerait qu'il soit lui-même musulman, et qu'il disait à un moment donné, mais laissez vivre les gens, etc. D'accord. Oui, bah, heureusement que... Non, ça existe aussi, ce genre de gens. Oui, ça existe aussi. Mais il ne fait pas de charia police pour dire aux gens... contre les charia police, faites ce que vous voulez, quoi. Enfin, tu vois, c'est toujours ça le truc. Et je me demande comment ils se positionnent par rapport à tout ça. Parce que, finalement, qui pourra stopper ces gens-là? Parce que, est-ce que les musulmans modérés vont stopper les phénomènes de charia police, de cours islamiques, etc., de l'islamisation générale? Est-ce que les musulmans modérés vont le faire? À peu près, je vais être très honnête, il faut remettre les choses dans leur contexte. On parle d'un youtubeur, on parle d'un jeune, on parle de tout ça. Ah non, ça, je parle pas de lui. Non, je pose une question, là, Jean. Je pose une question. D'accord. De façon générale. C'est-à-dire, de façon générale, est-ce que on pourra dire que les musulmans dits modérés, qui se qualifient comme tels ou qui sont reconnus comme tels, vont participer à stopper le processus d'islamisation en dénonçant, justement, toutes les dérives qu'on a évoquées? C'est compliqué, parce que d'un côté, ça voudrait inclure, enfin je pense, hein, qu'on pourrait introduire le phénomène de musulmans patriotes, et on sait que c'est un truc qui fait hurler pas mal de gens, donc je sais pas si d'un côté t'en as effectivement, enfin je pourrais pas parler en leur nom, mais qui dirait à un moment donné, effectivement ça va trop loin et on va préférer la préférence nationale. Sachant que t'as, d'un autre côté, t'as les mêmes nations qui leur disent non, vous pouvez pas être musulman patriote, etc. Donc, est-ce que de ce côté-là, ça les pousserait pas en disant bon, ben, j'ai été refusé, je vais retourner vers les gens avec qui j'ai la même religion? J'ai pas la réponse, très honnêtement. Mais c'est une question intéressante, je pense. Alors, c'est marrant parce que toi, tu dis j'ai pas la réponse. Et sur le chat, immédiatement, il y a plein de réponses. Ils me disent bien sûr que non, bien sûr que non. Ils sont déchaînés. Donc, c'est marrant. Vas-y. Moi, j'avoue que excuse-moi, deux secondes. J'avoue que pour l'instant, au point de vue de ce que j'entends, hein, les discours que j'entends sur le Discord ou que je peux regarder à droite à gauche, à titre personnel, j'ai pas la réponse en disant est-ce que c'est parfaitement incompatible d'être musulman et patriote. À mon niveau, je sais pas. Ok, vas-y Jessica, alors après Soraya. Vas-y Jessica. Je dirais que c'est des choses qui se sont déjà vues dans le monde et qui donnent pas, qui malheureusement n'ont pas donné raison aux musulmans modérés, quoi. Nulle part dans le monde, les musulmans modérés ont réussi à stopper l'islamisme quand il a voulu s'installer. Donc je vois pas pourquoi la France ferait exception à ça, en fait. S'il n'y a pas des Français pour arrêter le truc, quoi, je veux dire. Ah, je pense pas nécessairement qu'on peut dire que ça parte d'eux. Je parlais plutôt à la limite de rejoindre le mouvement. À la limite, je me positionnerais plus là-dedans. Bah, c'est-à-dire, la question était de savoir si eux vont se lever à un moment donné pour contribuer à stopper le processus. Ou au contraire, vont-ils avoir une attitude qui va être celle de « je ne participe pas », mais qui ne dit mot consent, quoi. Et finalement, par acceptation, ce sera... par leur silence, ce sera une acceptation, en fait. Alors, je crois que c'était Soraya. Vas-y. Oui, je pense que les musulmans modérés ne peuvent pas s'opposer fermement et frontalement à la charia, puisque par définition, vu qu'ils sont musulmans, ils ne peuvent pas s'opposer à la loi islamique. Donc même quand ils ne la souhaitent pas, en effet, ils restent relativement passifs. Par contre, les anciens musulmans qui sont sortis de l'islam, oui, eux, en l'occurrence, c'est vraiment les plus virulents envers l'islam. Donc moi, oui, avec les anciens musulmans, oui, j'ai beaucoup plus d'espoir. Mais les musulmans modérés, non, puisqu'ils restent dans une espèce de passivité. Et, ils peuvent pas s'opposer aux principes de l'islam, puisque sinon, ils se placent eux-mêmes en dehors de leur propre religion. Donc c'est beaucoup trop compliqué pour eux. C'est vrai que pour le coup, ça rejoindrait le fameux interview de l'anglais, justement, d'un imam anglais qui, après les attentats du 11 septembre, dit « je ne pourrais pas me permettre de le condamner parce que ce sont des frères, etc. » Et pour le coup, ça jouerait plutôt en leur défaveur. Bah, oui, complètement, ouais. Non, parce que c'est une question qui est souvent abordée. Et je me demande, parce que le problème, c'est que quand on parle avec des musulmans de cette question, pour moi, beaucoup bottent en touche, refusent de répondre à cette question de fond, de savoir que est-ce qu'ils seront pour ou contre et que vont-ils, comment ils vont se positionner justement par rapport à l'islamisation de l'Europe. Parce que pour moi, il y a un paradoxe entre le fait d'appliquer en tout cas une doctrine. Et d'un autre côté, ne pas vouloir qu'elle soit majoritaire. Quand bien même je serais un partisan, quelqu'un qui met en pratique cette doctrine. Et je pense qu'il y a il y a quand même quelque chose qui subsiste comme une aberration, une contradiction. Voilà. Pour le coup, je pense qu'il faudrait peut-être arrêter de regarder le côté musulman, mais regarder le côté humain, quoi. Peut-être que ça pourrait aussi jouer, que c'est une variable dans l'équation que pour l'instant on n'a pas. Si ça part vraiment en couille et que vraiment il y a des trucs de ouf, c'est possible qu'il y en a qui préfèrent quand même la réalité par rapport à, entre guillemets, leur croyance, etc. Ben, c'est là que je suis pas sûr. C'est là que je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est une question qui se pose, mais pour le moment, j'ai pas vu de mouvement, en fait, qui va dans ce sens-là. Parce que pour moi, si ce mouvement existait, il devrait avoir déjà des représentants. On devrait déjà en avoir. On devrait avoir des mecs qui font, qui seraient connus, même sur YouTube, qui font des vidéos pour défendre cette mouvance d'un patriote musulman. Or, il y en a très peu. Ceux qu'on connaît, franchement, ils sont pas du tout du côté patriotique, mais vraiment du côté musulman. Je vois pas d'exemple, en tout cas. C'est ça le problème, c'est que bon, moi je suis sûr qu'ils existent, mais ne serait-ce que dans mon entourage personnel. Maintenant, les deux questions, c'est effectivement quelle est leur quantité, et en admettant, et je prie le Seigneur qu'on n'arrive jamais à ce moment-là, mais si un jour il y a un tel bouleversement de la société qui forcera au choix. Quel choix ils vont faire, et que ça nous fasse pas un scénario un peu comme nous le dit le fameux Ravenshaya, où il nous dit il y aura pas d'entre-deux, les gens seront, je le cite, tirés par la tignasse de leurs cheveux dans le conflit d'un côté ou de l'autre. Bah, quelque part il a pas tort, franchement il a pas tort dans cette configuration, on va dire, de la société telle qu'elle est en train de se présenter. Tu vas devoir faire un choix, à mon avis, à un moment, et forcément te positionner. Et a fortiori, les musulmans dits modérés devront adopter une position. Et ça me paraît évident qu'ils devront choisir un camp. C'est terrible, hein, mais ils devront choisir un camp. Je pense que ça se posera comme ça, en tout cas. Qui c'est qui veut intervenir pour rebondir là-dessus? Petit Jean, je crois, vas-y. Je me permets une dernière remarque. Bah vas-y, il n'y a pas d'autre personne qui a fait clignoter, alors vas-y. Alors pour le coup, effectivement, je suis assez d'accord avec la dernière personne, je suis désolé, j'ai pas retenu ton nom, mais si j'en parle, c'est que bah, moi j'avais joué au rugby précisément avec des mecs de quartier et des musulmans, j'en ai pas mal dans mon entourage, et c'est vrai que pour le coup, moi, j'opte plus pour le côté humain avant le côté religieux. C'est pour ça que j'abordais ça, parce que dans mon entourage direct, il n'y a pas de leader, comme tu l'as dit, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou dans les médias, quoi que ce soit. Mais il se trouve que moi, j'en vois. Alors, effectivement, on en revient. Est-ce que c'est minoritaire? Est-ce que c'est un mouvement de fond qui se lèvera au moment venu, etc.? Là, je n'ai pas la réponse. C'est ça, c'est dur à dire. C'est très dur à dire. Et comme je dis, pour l'instant, tout ce que je peux espérer, c'est que la situation qui forcera les uns et les autres à se révéler ne vienne pas. Ce serait pas mal, malheureusement. Ouais. Bah, en tout cas, la question va se poser. Ah bah vas-y, Soraya. Oui, je voulais juste demander à Petit Jean, qu'est-ce que tu entends par le côté humain, en fait, puisque au niveau de... Enfin, moi, je pense que les... Enfin, je veux dire, on peut très bien être musulman et très humain et non-violent complètement, mais là, après, c'est au niveau du combat politique. Je veux dire, est-ce que ces gens qui sont très humains et qui sont dans la paix, est-ce que, pour autant, ils engageraient un combat politique contre l'islamisation de la France, tu vois? Quand je disais humain, je disais pas que les musulmans sont inhumains, hein. Je parlais juste, c'est un raccourci pour le contact de la réalité dans le cadre d'un durcissement ou d'un affrontement direct. Savoir, est-ce que tu veux vraiment risquer ta vie parce que t'as une religion commune avec des gens mais que tu ne valides pas leurs actions, tu ne valides pas nécessairement leur mode de vie. Donc on en revient au principe des musulmans patriotes, par exemple. Donc c'est plus ce côté-là. Après, l'engagement politique, je pense que c'est peut-être un peu extrême. Moi, je parlais vraiment de rejoindre un mouvement type si un jour, par exemple, les nations décident de reprendre le pouvoir politique. Je pensais plus à quelque chose comme ça. Voilà, donc là, c'est ce que moi, j'appellerais plutôt le combat politique, pour le coup. À la limite, oui. D'accord. Non, mais je pense que tu vois deux choses sur le même paradigme qui n'en sont pas, en fait. C'est que dans le cas où les musulmans viendraient, entre guillemets, à appliquer une charia en France, eux ne seraient pas concernés, hein, ils sont musulmans. Donc, ils n'auraient pas à soulever contre ces gens-là qui, finalement, leur veulent aucun mal et les laissent vivre comme ils veulent tant qu'ils sont musulmans. Et je ne pense pas qu'ils s'opposeront à ces gens-là s'il y a répression contre nous. C'est ça le truc, c'est que effectivement, ces gens-là ne nous veulent pas de mal en soi, mais si demain il y a une charia, bah, ces gens-là, ils seront du côté de la charia et point barre. Et ce sera toi qui n'es pas musulman qui sera fautif du fait de ne pas l'être. Ça dépend comment le... Ça dépend... Encore une fois, c'est hypothétique, mais ça dépend comment cette éventualité est posée, quoi. C'est-à-dire que si c'est une charia un peu molle, etc., oui, dans ce cas-là, je suis d'accord. Si c'est un truc un peu dur et que tu as précisément des musulmans qui aiment vivre à la française, on en revient aux musulmans patriotes et intégrés, j'ai déjà plus de mal à le croire. Bah, moi, je suis pas d'accord, parce que je voudrais dire quelque chose. La charia, en fait, c'est un tout. Par exemple, manger halal, c'est un principe de la charia. C'est déjà l'application de la charia, en fait. Donc après, c'est jusqu'où, mais en fait, par définition, le musulman doit accepter les principes islamiques. Donc il ne pourra pas s'opposer aux femmes qui portent le voile, il ne va jamais s'opposer aux mecs qui portent le kamis, il ne pourrait pas s'opposer à ce qu'on impose un aménagement pour pouvoir faire les heures de prière, il ne va jamais s'opposer à ce qui est la construction de mosquées supplémentaires, il ne pourrait pas s'opposer à l'enseignement des cours islamiques ou cours d'islam tels qu'ils sont imposés dans les petites écoles, il ne pourra pas s'opposer à ce qu'on, demain, d'un point de vue politique, quand ils auront des dirigeants suffisamment puissants qui demanderont des jours fériés musulmans, ils ne pourront pas s'opposer à ce que, etc., etc. Enfin, tu vois, toutes les mesures comme ça, ils ne s'y opposeront pas. Moi, je ne vois pas pourquoi ils s'y opposeraient, en fait. Alors, qui c'est qui veut répondre? Alors, vas-y, Wanazra, après, petit Jean, tu vas répondre si tu veux. Vas-y, allez, vas-y, Wanazra. Alors, je sais pas si tu connais, t'es pas Mostafa Labid, c'était un député LRM en Ille-et-Vilaine qui est au Gloun. Et lui, il voulait se présenter à la mairie de Rennes pour faire adopter la charia. Ah, j'en ai entendu parler. Oui, oui. Ah ouais. Et heureusement pour les Rennais, il s'est fait épingler pour détournement ou alors abus de biens sociaux, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, ça arrivera en France, hein. C'est sans nul doute. Alors attends, Vitriol, il y a Petit Jean, je crois, et après Vitriol. Ouais, moi, c'est bateau ce que je vais dire, hein, et je ne suis pas spécialement islamolâtre, mais les personnes que je connais, pour le coup, pour avoir déjà eu ce type de conversation, je suis d'accord sur, par exemple, le jour férié, etc., ce genre de demande. Bon, Alal, on ne va pas se mentir, même si on n'est pas musulmans aujourd'hui, on mange tous halal au moins une fois par semaine. Donc, c'est juste que moi, de ceux que j'ai, ceux avec qui j'ai pu discuter, ils cherchent pas ça. Ils cherchent à faire leur truc dans leur coin parce que, à la limite, plutôt une vision comme Zemmour, hein, c'est-à-dire, je sais que ça va en faire hurler certains, mais voilà, c'est religion à la maison et français dans la vie publique. Pour le coup, moi, j'ai pu se rencontrer des gens comme ça. Mais après, encore une fois, je dis, j'ai pas la réponse. Je bah, sais pas. Moi, je dis que c'est que ces gens-là, ils s'opposeront pas au mouvement général, en tout cas. Tu vois, même ceux qui se prétendent français dehors et musulmans à la maison, ce qui est d'ailleurs contestable, effectivement. Mais je pense qu'ils ne s'opposeront pas, justement, au processus. Alors, c'est Vitriol, d'abord, je crois qu'il veut dire un truc. Ouais, je voulais rajouter aux nombreux exemples que tu as donné tout à l'heure, on peut aussi ajouter les plages horaires à la piscine pour les hommes et pour les femmes, par exemple. C'est du déjà vu en France. Hein. Oui. Et plus généralement aussi, ouais, sur le côté politique, enfin là où il y a, on voit vraiment qu'il y a quand même une forme de taquia. Je vais redonner un exemple sur les Pays-Bas, mais en fait le maire de Rotterdam est un musulman. Et globalement, jusque-là, les Néerlandais étaient plutôt satisfaits de la politique qu'ils menaient, d'autant qu'ils se présentaient comme un grand démocrate, etc., etc. Le violon, quoi. Mais dernièrement, on lui a posé la question si il accepterait que sa fille se marie à un chrétien. Et là, je vous le donne dans le mille, il s'est farouchement opposé à cette idée. Et là, pour le coup, ça déplaît fortement à la population. Intéressant cette affaire, d'accord, donc il refuse, c'est-à-dire que, ça c'est de la taquia du coup, parce qu'il se bat, je suis sûr, pour les droits des minorités, des là, le vivre ensemble et compagnie, mais chez les autres. Tout à fait. Extraordinaire, vas-y Soraya. Oui, alors moi je suis complètement d'accord avec toi, voilà, ils s'opposeront pas à toutes ces choses-là, et je voudrais quand même ajouter que... même les musulmans qui veulent pas la charia, et en effet, ils sont quand même nombreux en France, à ne pas militer pour l'application de la charia et à être attachés à une certaine liberté à la française, mais malgré tout, ils croient en l'islam. Donc, en fait, le problème, c'est que quand ils se retrouvent face à des salafistes, ils se taisent, puisque les salafistes, malheureusement, ont les textes islamiques de leur côté. Donc, en fait, les musulmans modérés n'ont pas d'arguments concrets théologiques à leur opposer. Donc, vu qu'ils se placent dans le contexte de l'islam, ils ne peuvent pas s'y opposer, en fait. Exactement. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit. Je persiste et je signe. Pour moi, déjà, un musulman ne peut pas enlever son islamité à un autre, c'est interdit par l'islam. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, théologique, islamique, mais d'un point de vue philosophique aussi, puisqu'après tout, l'autre se déclare musulman, pourquoi moi, je dirais qu'il ne l'est pas. Déjà, de ce point de vue-là, ça ne tient pas. Mais j'ajoute qu'en plus, dans le cas, justement, des radicaux et des modérés, pour les différencier, celui qui, avec son camis, la chichia et la grande barbe, vous croyez que l'autre qui va être habillé à l'occidental et tout machin, il va lui dire « Ah ben non, mais toi, t'es pas musulman !» Ça ne tiendra pas. Soyons clairs. Et c'est nous, on peut en parler parce qu'on soulève une hypocrisie. Mais je sais que beaucoup de musulmans sont dans le déni et ne l'admettent pas. Et ils vont dire, certains l'admettent du bout des lèvres quand on est en privé, mais très peu l'admettent en public parce que c'est une réalité. Un mot qui énerve certaines personnes, parce qu'on la constate de façon récurrente à chaque fois, et les musulmans dits modérés ne peuvent pas retirer l'islamité aux musulmans dits radicaux, jamais de la vie, ça ne fonctionne pas, parce que l'autre, il sait très bien qu'ils suivent des principes islamiques, et c'est celui qui est justement le modéré qui est le plus loin de l'islam, donc il ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire à l'autre « tu es pas dans l'islam », ça c'est pas possible. Alors, vas-y, fais-le, le bûcheron. Ben, je l'ai rattrapé par rapport à la plage horaire sur les piscines. Moi, ben là, c'est de la charia directement qu'on voit. Faut pas se voiler, hein, sans jeu de mots. Mais il y a aussi la charia cachée. La charia cachée. Quand la RATP... Non, caché, bien caché. Quand on se rappelle de l'histoire des chauffeurs de bus sur la RATP, qui ne voulaient pas conduire après leur une femme. Oui. Bon, il y a eu deux, trois blâmes qui ont été posés, ça c'est tout à fait fait. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que on gère ceux qui ne veulent pas être relevés par une femme ou relever une femme. Bon, on va s'arranger, il va relever que des hommes. Donc l'islamisation a gagné. Tu vois, l'exemple que tu donnes, il est fascinant. Donc en fait, les mecs, ils fêtent la pression, ils imposent leur truc, et à la fin, la direction cède. Et c'est exactement comme ça. Tu vois, la mécanique que tu viens d'expliquer pour cet exemple de la RATP, c'est comme ça que l'islamisation avance dans la société. Et dans tous les secteurs, dans tous les étages, avec cette méthode qui commence par la menace, par voir le dénigrement, ça peut aller jusqu'à la violence, et à la fin, l'autre cède. Comme ça, il n'y a plus de problème. Mais c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Qui veut réagir? Personne? Allô? Ah, Martin. Vas-y, mon petit Martin. Petit, je te remercie. De gentillesse, hein, parce qu'on m'a dit petit, c'est méchant. Non, non, il n'y a pas de souci. Il y avait aussi le cas dans un quartier où les femmes n'avaient plus le droit de sortir, plus ou moins, où elles étaient mal vues quand elles se baladaient dans la rue, les cafés étaient que pris par les mecs et tout, il y avait un reportage comme ça. Mais c'est très compliqué, quoi, parce que comme tu dis, l'apostat est impossible en islam, quoi. C'est vraiment sectaire, quoi. Si, même si un mec se rend compte que bah c'est pas son truc et compagnie, bah il va être renié de toute sa famille, c'est vraiment c'est peine de mort, quoi, limite, quoi. C'est comme ça que c'est vu. Donc il n'y a pas de solution pour ces gens-là qui sont, on pourrait dire, qui voudraient être plus libres face à leur spiritualité. Et après, il y a tout le truc communautariste qui sait que les Français de souche ont une conscience, une philosophie beaucoup plus, on va dire, gentille, quoi, de tendre la main, de se respecter, d'aider les plus faibles et compagnie. Et ça, ils l'ont très bien compris et ils jouent avec ça insidieusement. On s'en prend plein la gueule sans même le voir, finalement. Complètement. Qui c'est qui veut prendre la parole sur ce qui a été dit? Faites clignoter vos micros. Pas de micro qui clignote. Ah, cam. Ouais, tu te dis quand personne ne veut parler. Oui, voilà. Bon, vas-y, je alors. Je me sacrifie. Voilà. T'as compris, moi. Vas-y, non, cam. Alors, rapidement, en fait. Alors, bon, ça va, vous avez raison. Ça, c'est inquiétant. Ouais, c'est, avec ces mosquées, ces frères musulmans. On parlait de le précédent interlocuteur avant Martin qui disait que dans les bus, la direction a lâché. Alors là, c'est au niveau économique. Je sais qu'il y a des. Vous parlez de la charia dans certaines villes, hein, la brigade charia, etc. Bon, ça, c'est, je pense que c'est au niveau maire, enfin au niveau mairie, parce que bon, je sais que le maire est le premier. J'ai souvent entendu dire que le maire est le premier policier de France, de la ville, pardon. Donc, c'est le premier magistrat, effectivement. Voilà, premier magistrat, pardon. Voilà. C'est à lui de régler ce problème. Et alors, je vais faire des amis, mais bon, je sais qu'il y a Marine Le Pen qui parlait justement d'appliquer la loi de 1905 à l'islam en France, hein, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. Donc, ça serait bien justement d'appliquer ça. Bon, après, c'est vrai que on le voit à chaque fois, les différents candidats aux élections présidentielles, bon, bah, à chaque fois, ils multiplient les propositions. Voilà, pour restructurer l'islam de France, etc. Et puis ça aboutit jamais, quoi. Donc, encore une fois, bon, bah, j'espère qu'il y en a un qui va mettre son courage sur la table et puis va appliquer, quoi. Voilà, va appliquer des bonnes solutions, des bonnes règles, voilà, pour la bonne continuité du pays, de l'État français, voilà. Comme on l'a connu, enfin comme on l'a connu, je suis pas si vieux que ça, mais bon, avant toute cette islamisation française, etc. On l'a jamais connu finalement, quoi. Et le mec qui va arriver. Je parle plutôt mon oncle dans les années 60 qui me parlait de bon, c'était différent, qui disait qu'il connaissait une France différente, quoi, par rapport à moi. Enfin, moi, les témoignages que j'ai de personnes plus vieilles. Généralement, c'est que quand ils étaient jeunes, l'islamisme, tous ces trucs-là, ça n'existait pas. Les gens, au mieux, s'ils avaient une revendication, ils étaient... Alors, je sais plus c'était quoi le nom des pro-palos de l'époque, mais avant, ça n'existait pas, de la génération de nos grands-pères, et même dans la jeunesse de nos pères. Exactement. Ah, tout à fait. Après, il y a un problème de nombre aussi. On n'a jamais les chiffres exacts, on ne peut pas les avoir. Mais il y a toute une marche étatique qui est faite pour protéger cette communauté-là, cette religion-là, pour la mettre en avant, pour face au christianisme et aux Français de souche, quoi. C'est clair et net, quoi. Il y a beaucoup d'argent qui est déversé pour construire des mosquées, pour on le voit très bien, quoi. Donc, à croire que la politique elle va arriver, qu'il y en a un qui va changer les choses, pour moi c'est impensable, quoi. Ça fait 40 ans que ça dure et que c'est un théâtre et ça ne changera pas, quoi. Ouais, mais Martin, toi et moi, enfin tous ceux dans le Discord, on peut rien faire. Bon, je le dis pas méchamment, à part parler, bon, c'est bien, c'est intéressant, mais on n'a pas les rênes du pouvoir. Je pense que c'est au niveau républicain. La République doit faire son boulot. Et elle ne le fait pas depuis tant d'années. C'est dommage. Non, Cam, je suis pas d'accord. Là, regarde la vidéo que Tepa vient de mettre dans le chat. C'est un mec qui fait un scandale au milieu d'un supermarché parce qu'il y a de l'alcool pendant le Ramadan. Ça, c'est à nous. Ça, c'est pas à l'État que ça relève. C'est à nous à ces moments-là, là, d'attraper le gars et de lui dire ici, t'es pas chez toi, tu vois. Il y a un moment, faut arrêter. Parce que au quotidien, on s'est aussi déresponsabilisé de ça. C'est-à-dire que nous, au quotidien, on se tait aussi. Et c'est aussi pour ça qu'ils se permettent ce genre de choses. Si on avait affirmé à un moment que non, c'est pas possible et stop, ça suffit, l'État se serait pas livré à ça et eux se seraient pas permis ça aussi. Il y a un moment où, enfin, faut reprendre un peu, tu vois, notre responsabilité des choses en main. Et là, je pense que ce genre de choses, on peut, nous, agir. Il est hors de question de laisser ce genre de personnes faire des scandales comme ça dans notre pays, parce qu'il y a de l'alcool pendant Ramadan dans un magasin, dans un supermarché, quoi. On propose quoi, une brigade anti-charia, c'est ça ? Pas du tout, c'est que quand on est témoin, nous, au quotidien, de ce genre d'acte, de pas laisser passer, en fait. De pas se taire et de pas baisser la tête sous prétexte que le mec, il lève la voix et qu'il crie un peu. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une solidarité, parce que moi je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, Jessica, il n'y a aucun souci, justement, mais je sais que c'est difficile, parce que tu sais, par exemple, regarde cette situation-là, tu te retrouves avec un mec comme ça dans le supermarché, imaginons que tu commences à lui gueuler dessus, bah toi déjà, imagine, en tant que femme toute seule, c'est pas pour te dénigrer, mais le mec il peut t'en coller une. C'est très bien, mais le problème, c'est justement parce qu'il n'y a pas de coalition. Si on était 10 personnes autour du gars à lui dire maintenant tu dégages et ton scandale. Là, il va se calmer. Là, il va se calmer. Tout à fait. Et c'est ça que je disais, c'est pas agir quand je dis indépendamment. C'est que si tout le monde indépendamment le faisait, il y aurait toujours 10 gars pour intercepter ce genre de personnes. Ouais, mais alors, Jessica, alors je suis d'accord avec toi, tu as raison. Mais les fous de Dieu, il faut se méfier quand même. Ouais, mais un mec tout seul contre 10 autres, il peut rien faire. Ouais. Ouais, voilà, fou de Dieu ou pas. Fou de Dieu ou pas, il y a un moment où le mec il fait un scandale comme ça, il pète la moitié du magasin. Je peux t'assurer, quand il a 3 types sur le dos, déjà, il va bouger beaucoup moins, il va péter beaucoup moins de choses. Il faut arrêter d'avoir une mentalité de victime et d'être pleutre. C'est ça. Il passerait de la violence physique à le post Facebook, je suis tombé sur des gens racistes, aidez-moi. Écoute. Je vais vous raconter une anecdote, puisque ça arrive des fois dans cette émission, on raconte des anecdotes. Vous voyez la scène que j'ai envoyée? J'ai quasiment vécu une scène à peu près similaire dans un magasin. Donc, évidemment, c'était pas quelqu'un qui filme comme ça délibérément. C'est quelqu'un qui a renversé, en fait, un rayon en passant. Et puis, il y avait un homme de sécurité dans le magasin, un gardien de sécurité, qui lui dit... s'il vous plaît, monsieur, quand même, vous pouvez ramasser. Parce que le mec, c'est vrai qu'il renverse ce truc. Bon, je m'en bats les couilles. Bon, je passe. Alors que la moindre des choses, il aurait pu ramasser. Il sait que oui, les employés sont payés pour ça, mais ils ont pas que ça à foutre, en théorie, quoi. Et là, le mec se sent vexé parce qu'on lui dit ça. Ouais, moi, je suis pas un gamin, moi. Qu'est-ce que je suis pas un gamin? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je m'énerve? Et il commence à faire, exactement comme dans la vidéo, à renverser tous les rayons. Voilà, comme dans la vidéo. Hein, voilà, blabla, tout par terre et tout. Le mec de sécurité appelle d'autres mecs de sécurité, puisque dans les centres commerciaux, donc immédiatement, il y a 5-6 mecs qui démoulent. Eh ben, il n'était pas content. Eh ben, figurez-vous qu'il hurlait au racisme. Et il disait qu'on s'en prenait à lui parce qu'il était d'origine maghrébine. Ah ouais. J'ai trouvé ça absolument hallucinant. Hallucinant. Et ça, c'est ce que je dis. Que faisaient les gens alors? Ça s'est réglé au niveau. Les gens ne faisaient rien. Les gens ne faisaient rien, si tu veux. Les gens sont tétanisés. Les gens sont absolument tétanisés. Personne ne dira rien. Je te le dis comme vraiment. Tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Je comprends. Après, bon, je vais un peu défendre ces pauvres gens, quoi, parce que c'est des gens qui sont pressés, ils ont leurs enfants. C'est vrai. Il doit aller chercher son gosse, l'autre il doit aller chercher ses médicaments, l'autre il doit aller voir sa femme, l'autre son amant. Enfin bon, là je vais pas faire toute la liste, mais bon. Mais bon, je suis pas contre votre idée, hein, de ce quoi. Enfin, alors là, ça sera au niveau politique. En fait, il faut que ça passe dans les médias. Il faut que ça soit refusé, enfin il faut qu'il y ait un refus en fait. Et après c'est mental, tout le monde va être au courant. Et ce type-là, je pense que après il va se méfier, il va voir que la France commence à changer, les gens n'adhèrent plus à ça, enfin n'acceptent plus ces comportements ignobles. Et là peut-être ça peut changer éventuellement, c'est possible. Et les prières de rue sont encadrées par la police nationale. Oui, tu parles à Clichy. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a une réaction inverse au lieu que les flics. C'est pour te dire le truc, le chemin qu'il faut parcourir. Vas-y, Soraya. Je voulais juste réagir vite fait à ce que Jessica Las disait. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il en faut toujours un premier qui réagit pour que ça suive derrière, en fait. Le problème, c'est que tout le monde attend toujours qu'il y en ait un qui réagisse. Donc, s'il n'y en a pas un, à un moment donné, qui fait preuve d'un peu plus de courage pour que les autres derrière suivent, mais en fait, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, quoi. C'est un peu le souci aussi. C'est très vrai. Bah, je trouvais que l'exemple qu'ils avaient fait dans un des lives du Raptor est très vrai. À vrai dire, quand il y a une agression dans la rue, si la personne, limite, généralement, c'est ça, si la personne te pointe pas du doigt et t'appelle nommément, et encore, c'est pas dit que ça a marché. Généralement, ouais, bah, comme tu dis, les gens vont un peu se regarder en chien de faïence. Oula, c'est embêtant. Ça sent les frites. Allez, à bientôt. Enfin, tu vois le genre. C'est... Il y a ce problème. Et puis, moi, j'avais envie de te demander, Topa, ce centre commercial, il était où? Parce qu'il faut prendre en compte que il y a certains quartiers qui sont déjà quasiment islamisés. Et que je peux comprendre que quand la personne est la seule encore française, en tout cas dans sa mentalité au moins, je peux comprendre qu'elle toute seule, elle se dit qu'elle ou il ne peut pas réagir. Il y a aussi alors, ce problème. Tu as tout à fait raison, je peux préciser l'endroit. C'est en pleine Seine-Saint-Denis. Comme ça, t'es tranquille. Mais c'était même pas du musulman, en fait, le mec. Ah si. Ah ben si. Le mec qui agresse, genre en violent, wesh. Bon, c'est vrai que ce sera aberrant, parce qu'on me dirait, mais t'en sais rien, il t'a pas dit qu'il était musulman. Mais bon, en tout cas, il se victimisait en tant que, oui, je suis un arabe, c'est pour ça qu'on m'agresse, c'est pour ça que vous appelez la sécurité. Tiens, pour préciser, ethniquement, les mecs de sécu étaient des noirs. D'ailleurs, au passage, parce qu'il n'y avait pas un blanc dans cette histoire. Quelle surprise. Après. Pour rebondir sur ce que disait Jessica, de l'ouvrir, et que le problème, effectivement, on est tous un petit peu d'accord là-dessus, c'est qu'il y a un certain silence, en fait, par rapport à ce qui se passe, pour ceux qui ressentent le problème. Et en fait, on est beaucoup en France, mais c'est une majorité silencieuse. C'est peut-être aussi le souci chez les musulmans dits modérés, enfin, ceux qui ne sont pas pratiquants, par exemple, quoi, mais qui ont une tradition musulmane. Et qui ne peuvent pas s'en défaire. Et donc, ils sont dans le silence aussi. Et ils ne pourront pas exprimer. Parce que d'un côté, on est dans le multiculturalisme. Et puis, de l'autre côté, ils sont dans l'extrémisme. Ils ont le cul entre deux chaises. Et il n'en reste pas moins qu'ils restent silencieux. Et pour le coup, par expérience, pour avoir ouvert ma gueule souvent dans les lieux publics, dans les revers. Une fois, par exemple, j'avais pas ma photo sur leur putain de truc de Navigo. Ils voulaient me foutre 50 boules d'amende parce que j'avais pas de liquide. Et ma carte bleue fonctionnait pas. Donc, du coup, ils voulaient me foutre 70 boules, 100 boules. Donc, j'ai gueulé. Et les mecs réagissent pas. Personne réagit. Trois jours-là, j'aurais dit qu'ils méritaient leur président et qu'ils allaient prochainement avoir. Et donc, en fait, la plupart du temps, les gens restent tétanisés, même quand tu ouvres ta gueule, quoi. ils observent, mais ils bougent pas. Et c'est très rare d'entendre un soutien. Alors ça peut arriver, par exemple, dans une officine, ou quand on observe les changements. Par exemple, il y a moins d'employés dans plein de guichets de banque. On se retrouve tous maintenant avec un guichet de banque, ou avant on avait 3 ou 4. Et quand on fait la queue, alors qu'avant on ne la faisait pas, on gueule un peu, on fait voilà, c'est super tout ça. Alors les gens acquiescent, tu sens qu'il y a une considération positive à ce que tu dis, mais ça n'en reste pas moins du silence. Et c'est le grand problème de notre pays, c'est qu'on reste dans le silence, et la plupart du temps on va faire autre chose, quoi, effectivement, mais on n'en reste pas moins silencieux. Et quand tu ouvres ta gueule, en fait, tu te mets en péril, et c'est tout. Et tu finis au mieux, peut-être pour les prochains, mais moi j'ouvre moins ma gueule maintenant, quoique bon, instinctivement, ça m'arrive toujours. Comme le mec, là, l'anglais, quoi. Enfin là, c'est extrême, c'est l'anglaise, mais bon, c'est un peu ça, quoi, qui se profile, effectivement. Vas-y, Vitriol. Ouais, je voulais aussi apporter mon expérience à ce niveau-là, parce que ça m'arrivait souvent aussi de l'ouvrir. Et ça commence sur des trucs tout cons. Hein. Je pensais à l'époque où c'était la grande mode de mettre la musique sur son téléphone portable dans les transports en commun. C'est juste insupportable pour tout le monde. Ça m'arrivait plusieurs fois de dire au mec, arrête, éteins ta musique. Mais personne réagit. Les gens te regardent en gros en te disant merci, tu vois dans leurs yeux, merci, vous êtes un héros, mais t'es le seul à réagir. Et si tu tombes face à un mec qui est un peu agressif, les gens t'aideront pas. Hein. Il y a vraiment une forme de lâcheté ambiante. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en plus, c'est pas évident d'intervenir. Parce que tu vas intervenir, par exemple, le cas que j'évoquais, ils étaient deux déjà, les mecs. Donc toi, si t'es tout seul, tu vas intervenir, bon déjà il y a un mec de sécu qui gère, toi t'interviens, tu vas limite être comme un cheveu sur la soupe, ils vont s'en prendre à toi, quoi. C'est déjà, il faut filmer. Pardon ? Systématiquement, il faut filmer. Ah oui. Oui, mais ça peut augmenter l'agressivité aussi, mais t'as raison. Filmer, c'est pas une bonne chose, vu déjà le comportement des gens. Ça pourrait même se retourner contre toi. Bah, je pense que ça va augmenter l'agressivité de la personne si elle te voit filmer. Parce que immédiatement, elle va s'énerver. Tu peux porter plainte. Surtout qu'on ne connaît pas la personne. Hein. C'est un schizophrène, c'est un fou, il est armé, il a un couteau. Ouais, mais regarde, Val, tu vas porter plainte. Pas de chance. C'est un Afghan pakistanais, ils n'ont pas de traducteur. C'est vrai, c'est tellement dur la vie pour eux. Oh là là. Faut les relâcher tous dans la rue. Ceux qui nous agressent tous, qu'on sait pas parler leur langue. J'avais oublié. Non mais c'est quand même incroyable. Mais moi franchement, je filmerai, je suis prête à me prendre une carte, c'est pas un problème, je porterai plainte. Quitte à les avoir en face de mon tribunal, alors allez-y. Hein. Au contraire. Bah, c'est-à-dire que, tu vois, Val, même il y a d'autres aspects. Par exemple, tu vas porter plainte contre la personne. Il se trouve que tu habites le même quartier, ça peut devenir un enfer. Les mecs vont venir chez toi, hein, ils vont te mettre la menace. On a déjà vu ça hein, dans les quartiers. Les gens, c'est très connu dans les années 80, des familles de blancs qui justement portaient plainte parce que les voisins, c'était infernal, etc. Et les gens leur faisaient la misère. Ils mettaient des trucs, machin, sur leurs portes, de la merde, le feu, le machin, les enfants étaient traumatisés. À la fin, les gens étaient obligés de déménager. Et ça arrivait un certain nombre de fois, souvent dans les quartiers. Encore récemment. En général, ça commence par la boîte aux lettres. Boris Lelay avait, je crois que c'était l'année dernière, relayé une affaire d'une famille qui, parce qu'elle était connue en tant qu'électeur FN dans un quartier majorité immigration musulmane, ils avaient subi mais vraiment l'enfer jusqu'à ce que les gens s'introduisent chez eux, restent, et au final, si je me souviens bien, même la municipalité a cédé tout ce qu'il avait trouvé à dire. Bah, il dit ouais, bah faudrait que vous partiez, effectivement, mais c'était leur maison, ils habitaient là depuis un moment, et puis mais heureusement il y avait une mobilisation sur sur internet. C'est l'imam oui. Qui était venu Parce que ces gens-là, bien sûr, la femme était lourdement handicapée, en plus. C'est vrai. Cette femme, lourdement handicapée. Et donc, évidemment, ça s'est su qu'il votait FN. Et parce que le monsieur a été militant FN. Hein. Ils avaient repéré des drapeaux ou des bannières ou des flyers du FN dans sa voiture. L'imam était venu les menacer, donc ils avaient appelé la police. L'imam était revenu et avait prévenu les policiers qu'ils ne pouvaient, enfin, il pourrait se passer quelque chose de grave. Donc les policiers leur avaient tout simplement dit de prendre leurs affaires et de partir, voilà, de quitter leur domicile et de finir dans leur voiture, etc. Donc le maire n'était pas intervenu, ils s'en foutaient complètement. Et c'est Louis Alliot lui-même qui est intervenu auprès du préfet de la région pour reloger ces pauvres gens. Alors moi, je vais aller plus loin que ça. Comme vous le savez, moi, je bosse dans le logement social. C'est la politique du logement social. C'est-à-dire que déjà, les locataires, au quotidien, moi, je le vois. S'ils ont affaire à des voisins qui sont issus de minorités ou qui sont gays, ils vont rien dire parce qu'ils savent qu'ils n'auront jamais gain de cause, en fait. Et la politique de Paris Habitat, c'est qu'en cas de ça dégénère, etc., c'est la personne agressée qui s'en va et non l'agresseur. Et même si la personne agressée est le gardien. Donc ça s'appelle le terrorisme. C'est ça. Si alors, je me dis que la vidéo dont on parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait. C'est un comique en fait, que ce serait une vidéo pour rire. Bon, ça nous a pas trop fait rire. Celle du supermarché ? Absolument. C'est quelqu'un qui me signale ça dans le chat. Alors, je sais pas si tu as vu, mais dans les. Il s'appelle Asnaoui. Voilà, on me donne son nom. Bah, je dois poser la question. Dans les commentaires, je pensais que c'était si je peux me permettre, quelqu'un, je suis en train de parler. Dans les commentaires de ta vidéo, il y a une autre vidéo d'un monsieur, et je ne pense pas que ce soit d'un comédien. Qui agresse des gens et qui gueule parce que des gens vont en terrasse et que c'est le ramadan. Tu regardes juste en dessous, il y a quelqu'un qui l'a posté. Non, je crois que c'est le même. Tu crois que c'est le même ? C'est lui. D'accord. Si, c'est lui, je crois. C'est lui. Bah, je me posais la question. C'est vrai que ça fait un peu. Ouais, c'est un peu cinéma, quoi. Je voulais le dire tout à l'heure, mais c'est vrai que ça sentait un peu du troll, quoi. Après, je voulais donner un c'est une très mauvaise idée, alors. Putain, oui, ah oui, évidemment, oui, c'est vrai que ça peut être mal. Ah, c'est censé être drôle. Ça peut à certains. Oh putain. Après, il va gagner le Molière de l'humour, probablement. Après, je voulais donner un petit conseil à nos femmes, quoi. Éviter de jouer les héroïnes, parce que souvent, ça peut tourner au viol, tout ça. Donc, voilà, laissez plutôt la place aux hommes, et puis. Je vois pas les héroïnes. Quand on entend les hommes qui disent ah non, je bougerai pas, il faut bien prendre un petit peu son destin en main. Bah ouais, mais bon, aussi Val, il y a une réalité. Tu sais, si tu dois relever, par exemple, moi dans les endroits où j'habite, tu te bats 10 fois par jour quand tu vas dans les transports en commun, quoi. C'est ça le problème. Bah, c'est vrai que toi, là où t'es, bonjour. C'est sûr que moi, je pourrais pas y vivre. Ah bah ouais, parce que tu te tapes à chaque fois, pour n'importe quoi. Parce que le mec, ils vont te bousculer sans dire machin, ils te doublent dans la queue, Regarde, je vous raconte une anecdote encore, ça fera plaisir, tout à l'heure, en passant. C'est quand même extraordinaire. Une voiture, donc dans une rue, vous sentez bien que c'était dans le centre-ville, donc c'est quand même limité à 30. Le mec passe, il était au moins à 80, si c'est pas 90, pour aller ensuite s'arrêter au feu. Et il passe donc devant nous, j'étais en train d'attendre sur le passage piéton, avec au moins, je sais pas, 4-5 mères de famille, avec leurs enfants. Il passe à fond comme ça, puis il va s'arrêter sur le feu 30 mètres plus loin. Et une des mères de famille lui fait un signe comme ça, genre ralenti, quoi, en gros. Le mec sort de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi que tu fais des gestes, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit non, mais juste, voilà, vas-y tranquille et tout. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Hallucinant. Bon, je vous donne dans le mille, évidemment, c'est toujours les bandes de Norvégiens. Bon, c'est comme ça, hein, j'ai pas rien. Mais c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que il faut en plus rien leur dire. Et là, vous avez vu la situation que je vous raconte. C'est entre Norvégiens. Parce que imaginez si un Français s'adresse à un Norvégien, alors là, ça tourne au pugilat, tout de suite. C'est pire. Mais toi, tu connais la banlieue. Alors, une fois, je me suis pris la tête vraiment très lourdement avec un homosexuel dans le métro. Le métro était totalement bondé. Il se trouve que je me suis retrouvée coincée par la foule et cet homme qui refusait de se lever des strapontins. Il était le seul de tout le wagon à ne pas s'être levé. Et visiblement, moi étant coincée entre lui et les gens qui étaient complètement comme des boîtes, comme des sardines en boîte derrière moi, ça lui avait plu. Il m'a mis un coup au mollet. Donc bien évidemment, vous me connaissez peut-être tous un petit peu ici. C'est pas le genre de choses qu'on me fait impunément. Donc j'ai élevé le ton, j'ai commencé à m'énerver. Petit à petit, les gens, au fur et à mesure des stations, descendaient. Du coup, la place se faisait. Et moi, je restais collée à lui exprès, rien pour le faire chier. Et j'ai fini par lui faire admettre qu'il détestait les femmes. Et donc, j'ai dit, oui, d'accord, j'ai compris de quelle communauté tu es. Et là, systématiquement, le gars s'est mis à dire, oui, tu es homophobe, etc., etc. Et je me suis servi de l'apathie des gens autour de moi pour dire et je lui dis je sais plus ce que je lui dis d'ailleurs, je lui dis j'en suis fière, enfin, rien que pour l'emmerder en fait, j'avais envie d'emmerder cette personne qui m'avait fait mal et je voulais l'humilier, clairement c'est pas beau, je sais, et j'ai pris les gens à partie. Et je leur ai dit, voilà, est-ce qu'il y a des témoins ici? Est-ce qu'il y a des témoins? Et j'ai hurlé, est-ce qu'il y aurait des témoins pour dire que je suis homophobe? Les gens ont regardé tout de suite leurs souliers, parce que bien sûr, il n'y avait que des courageux dans le wagon, hein, visiblement. Et du coup, eh ben, il s'est senti bien seul. Donc, et puis finalement, il n'a pas eu gain de cause du tout. Donc, mais comment vous dire? J'ai pas pu faire autrement, j'ai pas pu m'empêcher. Alors peut-être un jour je le paierai, c'est possible. Mais moi j'ai toujours pris, ma philosophie a toujours été que je préfère vivre debout que d'être lâche à genoux. Que de mourir à genoux. Oui, que de mourir à genoux. Ça c'est un truc, c'est pas possible. C'était pas possible. Et cette personne a vraiment été absolument détestable. Détester les femmes, m'a insulté un nombre considérable de fois. Ça a duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes, là, cette histoire. Et personne n'a dit quoi que ce soit. Ouais, mais de toute façon, tout le monde se tait. Vas-y, ça m'a oulé. Il nous reste une bonne dizaine de minutes. Alors, allez-y. Je vais juste terminer pour dire que je comprends tout à fait Jessica là, comme a dit, faut pas se laisser faire. Mais je comprends aussi les personnes qui, c'est tout le problème, comme c'est ce genre d'événement, c'est dans des quartiers où les Français sont minoritaires, voire inexistants, je comprends que c'est beaucoup plus difficile de pas se laisser faire. Après, moi, j'avoue que j'ai de la chance où on n'est pas encore minoritaire et on commence à avoir ce genre de problème et on se laisse pas faire. Mais c'est peut-être pas le cas partout, quoi. Et petite anecdote, hein, il y a même pas deux semaines, j'ai une amie qui s'est retrouvée face à ça. Elle était, ça bouchonnait, elle était en voiture, et quand elle descend de la voiture, elle voit quatre Arabes qui étaient descendus et qui commençaient à frapper le conducteur juste derrière eux. Elle est partie chercher sa batte de baseball dans son coffre. Les gens derrière, quand ils ont vu ça, ils sont sortis, et les mecs, ils sont barrés en courant. Je pense que là où les Français restent majoritaires, quand même, il y a une forme de résistance. En tout cas, moi, je le vois dans la ville. Il faut, c'est une question de survie. Hein. Non, mais t'as raison, ce que tu dis, ça va ouler. Mais comme tu dis, où les Français sont majoritaires. Mais dans d'autres endroits, c'est pas le cas. Et là, c'est plus difficile parce que moi, j'encourage pas un Français, un blanc tout seul, comme il dit. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, qui raconte une anecdote, il dit qu'il a failli se faire écraser à Barbès et qu'il a fermé sa bouche parce qu'il dit que le mec voulait le taper. Et comme il dit, il est dans un terrain peu favorable où même s'il est une victime, il va se retrouver avec 10 mecs qui vont lui sauter dessus. Quoi. C'est sûr qu'à Barbès, c'est sûr que c'est même pas la peine. Évidemment. Non, mais mon propos n'était pas d'être téméraire inutilement, mais d'être courageux quand on peut l'être, en fait. Ouais, complètement d'accord. Bien sûr. On fasse un bien triste. Ton micro, Caras, baisse-le. Attends, je vais le baisser. Ah ouais, tu peux. Bien triste constat que on fait là, entre la Hollande, l'Angleterre, la France, l'État complice de ces prédateurs, de l'incivilité ou du racket sexuel. Enfin, c'est horrible. C'est le problème, les pays ne sont plus ethniquement homogènes. Hein. C'est tout. Hein. Alors, Fellow, il voulait parler. Vas-y, Fellow, parce que c'est la fin. Alors, allez-y, ceux qui n'ont pas parlé. Vas-y, Fellow. Ben justement, quand on reparle de l'histoire de la famille qui a dû quitter son logement directement pour partir, parce que déjà, même l'imam lui a dit que ça va aller mal. En fait, c'est juste du nettoyage par secteur à la fin. Ils vont nettoyer le secteur si on part comme ça. Ils vont réussir, ils seront 100% et puis il n'y aura plus personne. On ne sera plus dans ces quartiers. Ouais. T'as raison. Je peux. En fait, ce qu'il faut vraiment introduire dans le système français, c'est la protection des témoins et l'éviction des personnes coupables de prédation, qu'ils soient seuls et de leur famille s'ils habitent avec leur famille, et les éloigner de leurs victimes. C'est pas normal que ce soit les victimes qui soient obligées de déménager. C'est pas normal que ce soit les victimes qui soient obligées de baisser la tête. C'est-à-dire, quand on est victime, on a quand même un droit, celui à la réparation et à la justice. Et là, en France, apparemment... Je crois qu'il faut réformer la légitime défense en France, hein, complètement. Le problème, c'est de la légitime défense. Tu vas te faire embrouiller par un gars en voiture, comme il racontait Tepas. Tu dis quelque chose, les gars sortent, ça t'attaque. Tu fais quoi? T'es armé? Tu te bats? Ou t'as pas le droit de porter une arme. Donc, la légitime défense. Il faut réformer la légitime défense. La légitime défense, elle est bonne que pour les voyous. Bah ouais. Et là, on en revient à ce que disait Kamkam. C'est aussi politique. Mais bon, ça, nous, pour le moment, on peut rien y faire, on peut faire que des choses à titre individuel, quoi. On le voit bien avec ce bijoutier qui a tiré et qui risque la prison alors que c'est lui la victime, quoi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que... Il me semble qu'il a été rendu, qu'il a du sursis. 5 ans avec sursis. 3 ans. 3 ans avec sursis. 5 ans avec sursis et 3 mois ferme, je crois. Alors après, la seule chose que je me demande, c'est si ce bijoutier aurait été blanc, est-ce que la réaction des gens était la même? Ça, je ne sais pas, parce qu'il a été vachement soutenu, je trouve, par les Français. Mais s'il aurait été blanc, est-ce que l'antiracisme aurait pu empêcher ça? Enfin, moi, je me suis posé la question. À savoir. Il y a peut-être le lobby des bijoutiers qui protègent les siens, je ne sais pas. Il faut voir l'affaire du monsieur qui avait son tabac, là, qui a fait la même chose. Hein. Et lui, il a pris 10 ans sans sursis. Lui, il a fait une embuscade à ses voleurs. Et il se trouve qu'il a tiré sur un adolescent de 17 ans. Alors, il aurait pu mettre 2 balles dans son fusil, 2 grosselles et puis 1 de chevrotine au cas où. Bon, là, c'est un procédé différent. Bon, je suis dubitatif quant à sa méthode de procédé. Il y en a qui se laissent pas faire, c'est ça. Ouais. Et voilà, bon, donc nous, on ne préconisera pas ce genre de méthode, bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut, mais ce ne sera pas l'objet ce soir. Ben, mes amis, c'est l'heure, parce que pour des questions techniques, je ne veux pas raconter ma vie. Je vous dis tous à bientôt. Avant que vous ayez quelque chose à rajouter, avant que je ronde l'antenne. Ouais, je pense que faut savoir raison garder et puis peut-être s'organiser progressivement pour faire influencer nos politiques de manière à ce qu'ils changent un petit peu les lois, de manière à ce que la justice soit appliquée en France, l'équité, que ces bandes de prédateurs ne puissent plus avoir pignon sur rue et narguer les victimes et leurs familles. Voilà. Ok, Vitriol, tu veux dire quelque chose aussi? Ça va vouloir aller pour terminer, vas-y. Non. dans la continuité de ce que disait Caras, ouais, faut impérativement qu'on se communautarise, que dans l'idée même de monter des équipes, hein, mais en toute amitié, mais aussi pour se protéger, parce que on est obligé de s'adapter. Soit on s'adapte, soit on crève. C'est aussi simple que ça. Ouais. La soumission, c'est pas une solution. Non, certainement pas. Samouli, tu voulais faire quelque chose ? Allez, En fait, j'allais dire à peu près la même chose que Vitriol. C'est ça, c'est plus ou moins s'organiser avec les gens qui se sentent encore français et qui veulent défendre leur pays. Et pour ça, je salue la démarche de Raptor, parce que c'est un peu ce qu'ils ont fait avec monter une équipe. Donc, je pense que ce genre de démarche est une bonne chose, quoi. Parce que pour le moment, au niveau politique, judiciaire, c'est bloqué, donc on ne peut le faire qu'à notre niveau. J'aimerais juste conclure, en fait, parce que c'est sur notamment un dernier point, c'est sur l'enseignement. Il faudrait, comme a dit Val, à réapprendre aux enfants et aux étudiants à aimer leur pays. Et je pense que le média culturel et de l'enseignement, je pense, marcherait bien. Il faut juste avoir de la niaque, avoir de la poigne. Parce que moi, en fait, je suis enseignant en histoire-géographie et j'ai vu de nombreux cas où les enfants, même les familles musulmanes, retiraient leurs enfants, des fois de cours, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certains axes du programme. Par exemple, la guerre d'Algérie, je pense. Oui, tout à fait. Pourtant, la guerre d'Algérie, ça va dans le sens des Moudjahidines, je pense. Non, tout à fait. Non, même les croisades aussi. Hein. Ah. Parce que moi, j'ai le souvenir qu'au collège, j'avais eu ce problème. Il y avait une Algérienne qui se prenait la tête avec le prof et on a quitté le cours, quoi. Donc, je sais qu'il y a certains sujets en histoire qui sont fâcheux parfois. Oui, même en EMC. Bah, on en reparlera de ça, justement, de l'éducation et de comment faire aimer la France, finalement, à ces nouvelles générations. C'est un sujet intéressant. On pourra l'aborder. Bah, merci à vous, en tout cas. Merci, petit nouveau aussi, ça va. Pas d'incident à relever. Donc, ça va. Vous avez passé le test du feu, quoi. Le dépucelage, c'est pas sans douceur. Allez, je vous dis à bientôt ceux qui nous écoutent partout, et puis voilà, je vais préparer pour la sortie un petit peu de musique, comme d'habitude, on s'en va pas comme ça. Oui, tu voulais rajouter quelque chose ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, mais dis un truc intelligent, parce que c'est la fin. Oui. La patrie ou la mort, nous vaincrons. D'accord. T'aurais pu dire Gabon d'abord ou un truc sympa, quoi. Oui, mais Gabon d'abord, moi je voulais dire Gabon d'abord, mais tu m'aurais dit ouais, tu trolls, tout ça. Mais non, c'est le titre de l'émission. T'es le seul, Caras, tu sais que tu es le seul à avoir compris le titre de l'émission. Il y a des tas de gens, ils disent c'est quoi le lobby poulou, c'est quoi. Tu es le seul. Tu vois, tu as. D'ailleurs, tu es dans le lobby poulou, tu peux l'annoncer ce soir en fait. Oui, je suis un grand sorcier initiateur pour nous. Donc, si vous voulez faire des séances d'iboga avec un bouti blanc, il faut contacter M. Caras au 06 06 02 74. Bon, j'ai fait des prix pour les nouveaux arrivants. Donc, développement personnel, vision nocturne, succès voilà. Avec les femmes, tout ça. Mais surtout, soyez patriotes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Gabon voilà, d'abord. Gabon d'abord. Allez. Merci à tous. Ciao, ciao tout le monde. Ciao sur YouTube, sur le chat, partout. Bah, si vous suivez cette émission, laissez un petit tip à la fin, là, ceux qui sont là. Ça fera plaisir. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Tu veux l'argent ? Ciao, ciao. On veut l'argent à la fin. c'est pas gratuit tout ça. Qui va payer l'électricité, là ? Bon, allez, ciao, ciao. Voilà, l'assistante sociale va payer. Bonne soirée. Salut. Ciao.